Alors, bonjour à tous. Bienvenue au premier épisode de 2 dans le cadre de l'examen Sainte-Thérèse d'Élie Marcelli, actuellement au doctorat au département de communication de l'Université de Montréal. Je suis MAP, artiste chercheur et fondateur du Centre d'artistes d'essai arts indisciplinaires. Je serai l'interlocuteur d'Élie tout au long de cet essai. Bonjour, Élie. Allô. Pour se mettre en contexte rapidement, un examen général de synthèse dans le cadre de ton doctorat consiste en une épreuve, habituellement sous forme écrite et orale, à la fin de sa première année doctorale. Donc, une sorte de synthétisation des séminaires et avancements de ton projet durant cette année. Le but étant de démontrer ton expertise dans ton champ d'études. Tu as donc soumis un énoncé de départ d'environ 9 pages à un jury. Ce dernier t'a transmis 2 questions à répondre et auxquelles tu dois répondre aujourd'hui. C'est ça, en gros, l'examen général de synthèse dans ton cas. Pour ce premier épisode, donc, nous allons échanger sur cette première question qui se formule comme suit. Ton énoncé de départ donne l'impression qu'à l'instar de chercheurs investis dans la recherche engagée ou la recherche action, par exemple, tu poursuis un projet intellectuel qui situe l'intervention de la recherche universitaire au-delà du milieu académique où elle est souvent cloisonnée. Si ces recherches sont souvent portées par les spécificités socio-historiques de l'intervention, quelles questions peut-on poser si le projet intellectuel prend en quelque sorte racine dans le chercheur et elle-même? Comment les temporalités de la, sa, une, vie et les corporalités d'un, son vécu peuvent-elles informer, voire transformer le parcours, les intentions et les formes de la recherche? Ça va, tu as respiré un petit peu? Jesus! Comme tu peux le constater, c'est pas juste une question. C'est beaucoup de lignes et même 2 questions en une. Fait, c'est une petite nuance de visiblement entre les règles vs la réalité. Donc toi, tu fais partie de ceux qui situent la recherche universitaire comme quelque chose qui s'active hors de l'académique, hors de l'université. La réponse est oui. Oh my god, oui, mais c'est parce que l'autre nuit, ben, j'ai pensé à autre chose. Parce que là, c'est formulé dans le sens, je me situe à l'université et mon projet intellectuel va au-delà ou comme sort de l'université. Et l'autre jour, j'étais comme, non, c'est l'inverse. Mon projet intellectuel, il est dans le monde déjà. Et comme, puis c'est que moi, j'interviens dans l'université, tu sais. Fait que là, ça va poser des questions de qu'est-ce que ça signifie intervention, c'est clair. La question, elle appelle à me positionner, ben, pour moi, à devoir définir ce terme-là. Mais je voulais comme tout d'abord reformuler la première question dans le sens, oui, effectivement, mais aussi dans l'autre sens, tu sais. Genre, non, le projet, tu sais, oui, on réifie, naturalise le fait que le savoir, il est dans le domaine, il est seulement dans un espace intellectuel, qui est genre les universités, mais ça peut être aussi l'inverse, tu sais, il y a des choses que j'amène. Ok, fait que ça, c'est vraiment intéressant parce qu'évidemment, on est dans le monde et on vit dans le monde avant d'être à l'université. Donc, dans ce sens-là, on a une expérience du monde, on intervient, puis finalement, toi, t'en fais un projet qui se retrouve à l'université, donc nécessairement qui va en ressortir ou aller au-delà de l'académique, dans le fond. On peut commencer par... Parle-moi du texte. Ben, en fait, non, j'aimerais d'abord commencer par genre WhatsApp, là. C'est dans le sens, on est le 22 août, puis il y a une date limite. Il y a une date limite qui est le 23 août, il n'y a pas d'heure, mais il faut que je remette... D'après les règles, les guidelines qui sont écrites que j'ai en papier, c'est 25 pages par question ou 8000 mots par question que je remets dans un document, que je remets à telle personne, en CC, telle personne, bababa, le 23, bingo, c'est fini. Okay. Le problème, c'est qu'en ce moment, comme tu le sais, j'ai des choses un peu complexes. Genre, ma tante est décédée, dans le mois qui a suivi, ma grand-mère est décédée, ce qui a culminé à moi qui vais en France et de façon express, sans trop savoir, j'y vais pour moi, je suis vêtue pour quelqu'un, on me force-tu, bababa, mais. Aussi à l'aboutissement de quelque chose auquel je réfléchissais depuis longtemps, qui était de couper contact avec ma famille biologique. Mmh. Et que ça fait que, parallèlement à ça, je vis des choses quand même complexes reliées à mon existence, puis à... Mais j'ai pas beaucoup de certitude en ce moment, disons. Puis, ce qui fait que je vais te parler, mais ça se peut qu'il y a des moments où je parle de moi beaucoup en absolu. C'est genre, je suis ci, je suis ça, c'est je okay. suis pas ça. Oui, mais c'est pour dire de pas hésiter à... C'est parce que je vais le faire, je le sais. Et je vais me fâcher parce que là, je suis comme, ben ouais, en tout cas, que t'hésites pas à aller me le dire quand je... Parce que je vais tomber dans le jeu parce que je peux pas, en ce moment, j'ai essayé. Là, j'ai essayé de faire un texte, j'ai essayé d'écrire, je l'ai fait le travail. Là. Je l'ai écrit 1 000 000 de fois dans ma tête, j'ai écrit des brouillons, on en a jasé, j'en ai jasé avec d'autres gens. Mais je suis pas capable en ce moment de répondre aux exigences qui sont qu'il faut que j'écrive un texte cohérent de 25 pages pour chaque question. Donc 50 pages... où je cite tous mes textes et où je fais preuve de mes capacités de synthétisation. On veut savoir si je suis capable de synthétiser. Mais là, je suis comme, je revois des trucs de mon enfance. Là, je suis comme, je suis dans la négligence, dans l'abus, dans le trauma. Je suis comme, c'est difficile de penser à la théorie. Ou plutôt, le monde intellectuel puis la théorie en ce moment, c'est je réalise à quel point je l'utilise pour vivre. Et c'est pour vivre, pour survivre. Tu dis qu'en ce moment, la théorie, l'intellect, c'est ton mode de survie actuellement. C'est ça? Je pense que, je réalise à quel point, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, mais je pense que c'est le cas de certaines personnes en particulier, puis on pourrait revenir sur quel genre de personne, puis là ça me fait penser à Butler, de ce qu'elle dit de comme, c'est quoi vivre une bonne vie quand on est des êtres vulnérables, et aussi reliés, bref, à la précarité, puis comme... Tu sais, c'est sûr que les questions, elles m'ont accompagnée aussi cet été, puis en tout cas ces derniers mois, puis les textes que j'ai lus, et les livres et compagnie. En parallèle à ce que je t'ai dit tantôt, de comme, je vis des choses tough, t'sais. Ou, ma question, c'était ta question. L'intellect, la théorie, ah oui. En ce moment, c'est ton lieu pour cope. Oui, mais j'ai réalisé, en fait, que c'est comme ça que j'ai accédé à... Tu sais, le monde intellectuel, il m'intéresse parce que c'est le lieu où je pose des questions puis j'essaie de faire sens. Mm-hmm. Tu sais, c'est le lieu de... Ça a été le lieu de ma survie dès le départ, dans le sens où j'étais, je sais pas moi, un enfant, puis là, il n'y a rien qui fait du sens. Tu sais, genre, t'as un parent qui te dit, pour être bon, il faut faire ça, mais dont les paroles... sont complètement différentes des gestes, ou genre, tu sais, dans le sens, je prends soin de toi, c'est pas la même chose que prendre soin de moi. Fait que, donc je réalise que mon rapport au monde intellectuel, c'est un acte de essayer de comprendre ce que je ne comprends pas. Puis aujourd'hui, je comprends que ce que je ne comprends pas, il est insensé par des raisons, tu sais. Wow. Fait que bref, fait que là, parlons de la forme, tiens. J'ai une question. Ah, vas-y. Oui, c'est quoi ta question? Je voulais juste être sûre que tu dises que c'était ton lieu. Au niveau intellectuel, théorique, c'était un des lieux qui t'a permis de survivre dans le sens où tu cherchais à faire du sens. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est pas aussi un lieu de trigger? Mais c'est une question que je me pose en ce moment, effectivement. Parce que, tu sais, dans le fait d'être là le 24, puis on est quel jour, le 22? Oui. Elle déclenche chez moi des trucs inimaginables. Ça veut dire qu'il s'y dire la responsabilité n'est pas juste sur moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, il se passe quelque chose autour de la date limite, qui n'est pas juste la date limite elle-même, bien entendu, mais qui est comme soutenue par toute une infrastructure, toute une institution, qui régule, qui met des dates limites, c'est des règles et compagnie. Puis, je pense que c'est... Avec la date limite, là. Mais comment j'y vais? Comment j'y réponds? On dirait qu'il y a toujours la forme. Et, tu sais, la seule chose, en ce moment, c'est pas que je ne suis pas capable de faire un examen synthèse, c'est juste que je ne suis pas capable de faire une forme en particulier, qui est la forme... une forme reliée à la recherche. C'est une forme de texte scientifique, tu sais. Genre le genre littéraire du texte scientifique. En ce moment, il fonctionne pas pour moi. C'est pas la forme qui fonctionne. C'est la forme dont McCreur parle. Oui, McCreur, il parle de cette forme, il parle des impératifs néolibéraux qui, basés sur des valeurs notamment d'indépendance et d'autonomie, demandent à ce que des textes scientifiques, que le genre littéraire du texte scientifique, plutôt j'aimerais le dire, vient avec des impératifs de cohérence, d'ordre, de structure, de certitude, de rationalité, de linéarité. Et donc, linéarité, ça veut dire aussi de ses connaissances, du chemin. Tu comprends la trajectoire, tu es dans la recherche-création, il y a un truc très, très compliqué que tu es comme, c'est pas où tu t'en vas. C'est genre, tu vis, la vie, t'as aucune idée de ce qu'on crée. T'sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec la vie? Puis la recherche-création, c'est aussi ça, c'est d'être comme, wow. Fait que oui, macro. On parlait de la date limite, puis qu'est-ce qui est soutenu par cette date limite? C'est toute une infrastructure, des normes, les demandes, ton examen, le but est défini, des professeurs, ton jury doivent participer à ça et suivre certaines règles. Et je reliais ça au fait que c'est ce que McCreur parle quand il veut quelque chose d'ordonné. Quand la norme demande quelque chose qui est ordonné, cohérent. Oui. Et pour lui, c'est à partir de normes. Ok, puis là, il y a la date limite, puis... Je vais encore partir de moi. En quelque sorte, à la racine de moi. Je vais partir... Attends, c'est quoi? C'est le projet. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe là quand le projet intellectuel, il prend en quelque sorte racine à partir du chercheur? Puis là, il se trouve que je suis chercheur. Bon, mais là, je suis face à une date limite qui est demain. Puis, il s'offre plusieurs choix à moi. Il y a un choix qui est de se dire, ok, ben, je ne pourrai pas répondre aux exigences qui me sont demandées et aux attentes tacites qui me sont demandées de... répondre à ces deux questions qui ne sont pas deux questions, mais qui sont plusieurs questions dans tes très longs paragraphes, par ailleurs. Là, je me suis dit, bon, ben je peux... Tu sais, je me suis vraiment dit, ok, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, faut que je prenne une pause, parce que je pourrais jamais... Je ne peux pas, je suis en incapacité. Ou, est-ce que c'est un refus? Ou c'est une... Tu sais, hier, je notais un petit truc qui était genre, l'incapacité n'est pas un refus. Puis souvent, c'est pris comme un refus. de pas pouvoir faire ou pas pouvoir venir, ou t'es comme... Je suis pas en train de refuser, là. J'ai crissement essayé, genre je me suis fait de la violence. Puis tu sais quoi, ça fait même... Ça fait combien de temps que je suis à l'université? Ça fait genre 10 ans que je suis à l'université. Synthétiser des choses là, dans les examens, dans les questions qu'on me pose pour prouver que je maîtrise, pour apporter la preuve, le fait que je maîtrise et que je synthétise, pas juste maîtrise parce que là, t'es doc, mais que je suis capable. Il faut que je reprouve une nouvelle itération à ma valeur quand je la comprends, moi, je l'ai été. Donc, faut que je prévoie mon futur si je décide que je peux passer. Parce que ça veut dire que ma scolarité, je peux pas la continuer telle que je suis censée la continuer, c'est-à-dire parcours normal qui serait je fais un examen synthèse, je vais en soutenance, succès, examen doctoral, blablabla, bla bla bla bla, on continue, et etc. Docteur, machin, bibu, bibu, ou autre. Non, mais tu sais, il y a une continuité. Donc là, je me dis, ben, je peux peut-être prendre une pause parce qu'effectivement, je rush un peu en ce moment. J'ai besoin de réfléchir à moi, j'ai beaucoup d'incertitudes reliées à la pensée en fait. Pas une incertitude sur ma vie, sur mon existence, sur, tu sais, comme je sais où je suis, je comprends que là où je suis, ça fait du sens, je sais que ce que je cherche fait du sens, tu sais, comme ça, c'est bien correct. Mais là, il y a une infrastructure qui me dit, ça fonctionne pas. Fait que moi, j'ai le choix de me retirer, prendre une pause. Mais là, prendre une pause parce que je suis pas capable de répondre à un examen, c'est pas juste je tombe en pause puis je prends soin de moi, là. C'est, il faut que j'écrive à Lynn. J'ai pas écrit, tu sais, je veux dire, j'ai même pas tenu. Il faut que j'écrive à Lynn. Il faut que j'écrive à Lynn, regarde Lynn, ça va pas fonctionner, c'est demain, je sais pas quoi faire, blablabla. Là, il va falloir aussi que on trouve après et que j'arrive avec des solutions avec Lynn de, ok, mais comment on navigue ça, là? On repousse-tu la date ou ça se fait-tu même? J'en sais rien, moi, là. Ok, mais là, il y a un examen doctoral, il y a aussi une soutenance, il y a des disponibilités, tu sais, genre, je peux pas juste repousser. Généralement, c'est plus, ok, mais on retente l'an prochain, tu sais. C'est parce que il faut que je succède à cet examen pour pouvoir continuer mon chemin. Ou je suis comme, ou la trajectoire fait du sens pour moi. Je suis comme, oh, mais c'est une trajectoire que je veux continuer, t'sais. Mais là, visiblement, ça dépend pas juste de moi. C'est là où rentre l'enjeu de la vulnérabilité que j'aimerais aussi apporter là, puis développer. Donc, là, ça continue. Parce que là, on dit, bon, ben, ça fait une autre fois, là, ça va revenir. Parce que de toute façon, je suis pas capable d'écrire en ce moment un examen de synthèse. T'sais, même si on me donne un mois de plus, je suis comme, tu sais, ton mois, il va pas m'aider, là. Genre, je suis tannée de cet examen-là. Genre, je l'ai écrit beaucoup dans ma tête. Beaucoup. Qui va poser des questions par rapport à la corporalité. Donc ça aussi, je vais revenir là-dessus, sur ce mot corporalité. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des choses que j'ai fait dans mon antériorité, ou des choses que j'ai fait dans ma tête, mais que j'ai pas enacté, que j'ai pas fait dans un geste, que j'ai pas rendu incarné, matérialisé. Comme un artefact. Comme un artefact, mais comme n'importe quoi, tous. Comme preuve. Comme preuve, une preuve. Qu'est-ce qui a voulu être mesuré? Qu'est-ce qui a voulu être su de, ok, cette étudiante, qu'est-ce que cette étudiante réussit ou ne réussit pas? Qu'est-ce qui est en jeu, en réalité, dans cette date limite, puis dans le fait qu'on me demande de t'apporter des preuves de ma capacité à faire quelque chose? C'est ça, c'est de là. Et donc, je reviens à ma première option qui m'a traversé l'esprit, qui est comme, ben, je vais, va falloir que je me démerde, tu sais, faut que je dise ce que je peux pas en ce moment, puis on voit ça plus tard, genre dans un an. Si on dit le 23 août, là, l'université, le département de com dit le 23 août, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a la rentrée scolaire qui arrive, c'est le moment où comme tout s'accélère pour tout le monde, où les disponibilités deviennent minces, je veux dire, il y a des politiques temporelles, puis là je parle de Sharma, de Sarah Sharma, il y a des politiques temporelles qui orientent, désorientent, mais qui te régulent aussi, puis on va se le dire, trois professeurs là, qui sont en rentrée, et s'il y a des dates limites, c'est aussi pour eux, c'est surtout en fait, sûrement administratif aussi pour eux, sûrement administratif, bref, mais... C'est pour leur permettre le temps de lire, de décanter, puis d'arriver pour une soutenance, ou comme on est quatre personnes avec nos propres horaires, où ça fonctionne. Tu sais, ces politiques temporelles-là, on doit les gérer, puis on a certaines temporalités qui sont communes par l'université, mais après, il y a nos propres orientations temporelles qui ne sont pas les mêmes. Tu sais, je veux dire, moi, je navigue lentement dans le monde. Ça va pas vite, il me faut du temps. Genre, il me faut crissement du temps. Bref. Puis il me faut pas les mêmes choses que tout le monde. Bref. Donc, je continue. Faut que je prévienne l'AFE, puis faut que je prévienne le CRSH. Que cette année, ben, soit je peux pas étudier, là, ou je vais demander un arrêt maladie, en fait, sur mon sac. C'est genre, je vais voir mon infirmière psychiatrique, puis je suis comme. Faut que je négocie le fait que j'ai besoin d'un arrêt. Ça, c'est une première négociation, puis là, c'est comme, quel type de vulnérabilité je mets en. Est-ce que je lui dis? Je lui dis mon savoir à cette personne, infirmière psychiatrique, puis je lui dis, regarde, j'ai besoin d'un arrêt pour telle et telle manière, ou est-ce que je joue la personne qui va pas bien pour avoir un arrêt? Bref, une négociation. Mais anyway. C'est ça qui est l'enjeu, c'est il faut que je travaille à avoir un arrêt de maladie pour dire aux prêts et bourses et aux CRSH, regardez votre argent, je dois leur prouver qu'ils doivent continuer à me financer, mais qu'il y a une pause en ce moment dans le financement qu'ils m'accordent. Tout ça pour dire qu'au final, j'aurai plus de financement si je suis en arrêt maladie. Oui, je pourrais recommencer mon financement une fois que mon arrêt administratif sera arrêté, mais j'ai pas de rentrée d'argent possible. Puis si je suis au doctorat, en premier lieu, c'est parce que j'ai fait C'est parce que j'ai réfléchi stratégiquement où aller, puis que j'ai vu qu'il y a des endroits où ma persistance n'est pas pérenne, où je peux pas être parce que je vais mourir, je vais m'exténuer, en fait oui je peux pas être ailleurs. Si je suis au doctorat, c'est parce que j'ai vu que financièrement, et puis au niveau des ressources et compagnie, c'est ici que je pouvais faire le plus de sens, c'est ici que je pouvais être en fait. Tu sais, le fait de respecter la date limite et de dire je suis incapable, je ne peux pas répondre à ces attentes, demande un tel travail de justification pour au final être dans un état précaire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand, sans argent, sans avancer mon doctorat que je cherche à avancer. Puis genre, tu sais, je sais où aller, là, j'ai plein de choses dans ma tête, genre, je veux aller. Faut que je fasse ça, mais là j'ai un examen de synthèse à faire. Je peux pas. Puis il y a une autre option. Mais c'est ça, il y a le. Je sais pas si c'est un refus ça. Ce serait dire quoi? Genre non, je peux pas, bye, je m'en. C'est pas un refus, c'est l'incapacité. Oui, ou je le reprends l'an prochain, mais tu sais, c'est tough. C'était l'examen, le forum doctoral, il commence en novembre. Puis pour le 5 novembre ou le 3 novembre, puis pour accéder à l'examen doctoral, qui est genre plus ou moins sur un an, là, il faut que t'aies réussi ton examen de synthèse. Fait que tu sais, je peux pas juste aller à une autre étape. Puis je les ai fait mes séminaires. Et qu'est-ce que je fais? Puis sinon, il y a aussi. Fait que ça, c'est pas un type de refus, hein. C'est de l'incapacité, mais ça demande quand même. Ça génère un travail. Oui, non rémunéré, immense. Exactement. Pour quelqu'un qui est déjà épuisé. Exactement. C'est beaucoup de labeur, c'est beaucoup de responsabilité individuelle. Comme là, faut que tu prouves ton expertise par cet examen-là. Exact, l'expertise. Et si t'es incapable de. C'est pas que t'es incapable de faire l'examen, c'est que t'es incapable de remettre à la date. Je comprends, partie, oui. En ouais. Partie. Le temps vient, ouais. Le temps vient réguler. Mm-hmm. Puis pour des personnes handicapées comme nous, le temps, c'est tout un affaire. Hein, t'sais. Comme ça nous fait peur, ça nous freine. En tout cas, ça a des gros impacts, surtout quand c'est accompagné d'attentes vraiment importantes, comme celle-là qui va définir le restant de ton parcours au doctorat. Puis c'est pas le contenu, tu sais, qui va déterminer. Non. Mais oui, il peut déterminer, parce que c'est censé être une base, tu sais, le contenu de l'examen. Et pour moi, c'est censé m'aider, moi. Oui, c'est ça, mais c'est pas ça qui se passe. Non. Ce qui se passe, c'est une panique au niveau du temps, de la forme. Ah, c'est ça que tu parlais du trigger tantôt. Exactement, puis de cette idée de réussir, d'être bon, de bien faire, que ça soit genre exceptionnel, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu sais, c'est... Moi, c'est plus ça. Ben non, t'as pas dit ça, mais c'est quelque chose, par exemple, que moi, je vis. Mais qu'est-ce que ma directrice va dire de mon travail? Est-ce que les gens vont trouver ça bon? Est-ce que c'est de la grosse merde? Oui. Ou pas? Fait qu'il y a tous ces enjeux-là. Puis moi, je l'ai vécu à la maîtrise. Fait que là, au doctorat, j'ai l'impression que c'est encore plus isolé comme truc. Puis en plus, c'est que tu dois contribuer à la recherche quand tu es au doctorat. Oh, mais là, c'est pas de la contribution. Non, je sais, mais comme. Mais ça, c'est un autre point dont je veux parler. La pression est plus grande. Puis en fait, là, tout ça se bouscule en ce moment parce que la date limite, c'est demain. Puis à 10 minutes. Parce que j'ai jamais dit ce que je voulais dire. Fait que, je me retiens. Calme. Le but de ça, c'est prouver ton expertise. Ok, oui. Arrête. nuance. Non, mais là, okay. C'est ça qui est écrit dans les exigences du. C'est l'institution qui dit ça. Fait que, comme. Je dis pas que c'est toi qui dis ça, je te dis que oui. L'institution a écrit noir sur blanc que c'est pour démontrer tes expertises dans ton domaine. Ok? Ouais. Mais par la synthèse de ce que tu as fait dans ta première année, ce que tu as cherché avec tes séminaires, etc. Fait que, pis c'est même pas ça le sujet de ce que je veux dire. Je t'écoute. Donc, tu dois prouver ton expertise, ok? Mais c'est pas ça qui se passe, c'est la dernière chose que tu travailles en ce moment. Parce qu'il y a toutes ces exigences d'ordre, nanana, il y a des traumas passés, il y a. On peut dire plein de choses. On peut dire tout ce qui peut, genre, chambouler le moment que tu vis en ce moment, puis que tu vis depuis tout l'été. Après ça. Si tu demandes un arrêt, si tu demandes reporter, nanana, ce que ça fait, c'est que ça vient multiplier le travail en termes de prouver. Mm-hmm. Il faut que tu ailles voir un docteur ou une infirmière psychiatrique, puis tu dis, faut que tu lui prouves aussi que tu vas pas bien. C'est prouver que t'es un bon handicapé, un bon malade mental, t'es le bon. Oui, puis souvent, si t'as pas d'idée suicidaire ou si t'as pas tenté de te suicider, ça devient difficile. Et c'est difficile de parler de suicide quand tu peux te faire institutionnaliser. Exactement. Quand tu parles de suicide. Les risques sont, tu sais, je veux dire. Puis là, tu sais, si on retourne dans les traumas, c'est sûr qu'on est méfiant, tu sais, de ce pouvoir psychiatrique-là qui est vraiment. Oui. Moi, il m'a détruit pendant un an. Fait que. Il faut que tu prouves, mais pas trop. Puis si tu veux bien prouver, il faut quand même que t'aies l'air de quelqu'un qui veut mourir, mais pas trop parce que tu veux pas être institutionnalisé. Puis là, on est juste pour un petit billet, là. Et ça, c'est si je suis capable de prouver. Parce que là, je me dis, il faudrait que j'écrive à Lynn, mais ce qui se passe, là, c'est qu'en vrai, je serais en panique, puis je suis comme honteux, puis genre, je disparais. Fait que j'écris à personne, là. Fait qu'en vrai, je vais pas du tout, je vais, on va juste pas entendre parler de moi. Puis là, à fin septembre, je vais revenir honteux, puis je vais être comme, je, bababa. Fait que tu sais, c'est le truc d'être un bon handicapé, puis d'avoir des preuves, bababa, ça c'est le bon scénario. Oui, parce qu'il y a un bon scénario pour ce genre de situation-là qui est d'avance, que t'as fait évalué, que tu serais pas en mesure de, puis là tu informes les gens avec des courriels, mais juste écrire un courriel, c'est vraiment épuisant. Toujours négocier. Puis après ça, ben c'est ça, t'as les bourses. Puis après ça, ben ça vient rentrer dans la maison aussi. Ben oui. Genre, j'ai besoin d'un arrêt, ça fait que j'ai plus de income, comment faire pour payer le loyer? Puis oui, c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis pas juste moi, là, on est un... Je veux dire, on est une maison de plusieurs individus humains et de chats non humains, fait effectivement, il y a une interdépendance entre nous très grande où on a décidé d'être cette interdépendance-là, tu sais. Mm-hmm. Mais oui, mon échec, mon incapacité à faire, elle n'a pas des conséquences juste sur moi, là. Non, puis bien qu'on voudrait nous faire croire. Prendre en compte que c'est pas juste de contacter non. ta directrice pour dire « je serais pas capable demain de remettre à temps ». Non, c'est beaucoup d'étapes c'est... pour quelqu'un qui dit... Mais même pas, tu sais, c'est comme juste le, mettons, le dire, tout ce que ça engendre, ça devient une catastrophe. Mm-hmm. Puis l'acte dénonciation demande beaucoup de réflexivité. Si je suis capable de dénoncer, ça veut dire que j'ai fait le travail réflexif de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire, t'sais, je veux dire, c'est énormément de travail. Mm-hmm. Et puis il y a aussi l'autre côté des comme, ah, tu sais, je peux essayer de négocier la date limite. Je sais que je n'ai pas envie de la négocier en réalité parce que genre, c'est pas ça ce dont j'ai besoin. Mais il y a un autre côté qui est comme, tu sais, je peux négocier la date limite, nanana. Mais il y a aussi, il y a un spectre qu'on peut m'agiter qui est comme, ben là, tu sais, je veux dire, il y a un bureau des handicapés, là. Il y a des accommodations possibles. Mais là, encore une fois, ça met la responsabilité, une responsabilité juste sur moi, donc juste sur l'individu. Parce que, tu sais, là, on reprend Kaffer, on prend McRuller, on prend Goodly, qui sont dans mon corpus. Amré et Fritsch, qui parlent du modèle médical, et le modèle curatif, le modèle individuel. Je veux dire, c'est plein de manières de parler de différentes réalités qui s'entrecroisent, qui est un modèle et un paradigme dominant de compréhension du handicap, mais des incapacités. Je vais dire pourquoi incapacité et incapacité avec un slash entre les deux. Et qui disent que ce modèle-là, médical, individuel, biomédical, blablabla, ben, ils placent la faute de l'incapacité sur l'individu qui est le seul responsable de sa condition et qui doit trouver les moyens de overcome, de guérir, de... Bref. Notamment par, le corps, notamment par toute cette infrastructure reliée aux soins qui est notamment ben, les réseaux de la santé qui sont comme nous prenons soin, nous sommes l'organe qui prend soin, donc nous allons prendre... Sur toi, oui, parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai réfléchi, puis je pense au contre-argument, puis qu'on me dise, ben là, t'sais, genre, t'sais, imagine, j'écris, là, j'écris à Aline, à mon jury, au administratif, je suis comme, hey, j'écris, je sais que j'ai écrit à la dernière minute, là, mais je peux-tu avoir une extension, s'il vous plaît? Et je pense à la contre-argumentation qu'on pourrait me faire, parce que si je la pense, c'est parce qu'on me l'a déjà fait, ou parce que je l'ai vécu, ou parce que j'ai une expertise reliée à ça, qui est effectivement des connaissances incarnées, là. Donc on va me demander de, ben pourquoi est-ce que, plus tôt, j'ai pas dit ce dont j'avais besoin? Pourquoi j'ai pas dit que j'avais besoin de faire un audio ou que j'avais besoin d'accommodation pour le temps, genre j'avais besoin de plus de temps, ou j'avais besoin de moins de lits, j'en sais rien, n'importe quoi. Puis ça me tanne, ça me fâche, parce que c'est des mesures d'intégration et d'inclusion où la seule personne qui est le moteur de l'accès, c'est l'individu qui n'a pas accès. Tu sais, c'est moi qui dois aller voir le sèche pour leur dire Puis eux, ils arrivent avec une liste préfète de genre d'accommodation. Fait que même là, il y a une marge de manœuvre qui est pas très grande. T'sais. Faut encore négocier, c'est encore de la friction. Puis, tu sais, je veux dire, de la friction avec des gens que tu connais pas, qui sont dans des situations d'autorité sur toi. Je veux dire, ça peut vite mal se passer. T'sais. Fait qu'encore une fois, tu joues un rôle. T'es comme, ah, j'ai besoin de plus de temps. Mais ça, c'est si. Et ça me fait penser à. Très étrangement, ça me fait penser au texte de Brian Massoumi. Tu sais, je t'en ai parlé, il revient sur ce moment post-2001 avec le gouvernement Bush, quand il essaie de voir et d'expliquer ce phénomène, cette stratégie que Bush et son gouvernement ont employé pour envahir l'Irak sous le drapeau de la menace nucléaire et terroriste et menace de l'Occident, blablabla. Bref, il explique en long et en large, Brian Massoumi, comment ça se passe ce phénomène-là, mais en gros, si je pouvais le résumer, c'est très grossièrement, c'est une prophétie autoréalisatrice. T'es comme, tu crées la menace avant que n'importe quelle menace puisse exister. Puis je reprenais ce truc, l'autre jour je réfléchissais à ce format-là de prédiction. Donc c'est un rapport au temps, c'est un rapport... puis lui, il parle de ce rapport au temps dominant et institutionnalisé, je veux dire, c'est pas... c'est pas en rapport au temps qui flotte dans les terres, là. C'est en rapport au temps, celle de toute cette stratégie d'invasion par le gouvernement. Ça passe par des politiques, ça passe par des financements, ça passe par plein de matérialisations dans des espaces particuliers. Puis là, j'ai réfléchi au fait que un truc que je trouve très compliqué avec le bureau des handicapés, c'est que je dois savoir d'avance mon besoin. Je dois savoir d'avance la chose qui ne va pas fonctionner. Mais je le sais pas, tu sais, je le sais pas c'est quoi moi le besoin que je vais avoir là, dans 6 mois là. Puis c'est pour ça aussi que je prends le mot incapacité. C'est Goodley dans son texte, son livre, lui il parle de dis/ability. Dans les études critiques du handicap en anglais, il n'y a pas forcément beaucoup cette distinction entre disability ou disabilism. Mais bref, lui il l'utilise notamment pour, ben il a raison, marquer cette cet espace vraiment spectral qui a... Mais tu sais que l'incapacité et la capacité, c'est un fond diffus, tu sais, c'est pas deux pôles opposés. Puis ça se fluctue, puis moi mon rapport est justement, c'est très fluctuant. Et je me dis, mais mettons-le, que je prévois d'avance c'est quoi mon besoin, ou c'est quoi ma faute, c'est quoi mon manquement, ça va être quoi ma déficience pour cette session, tu sais, c'est quoi que je vais pas réussir à faire, c'est quoi mon incapacité dans le milieu universitaire. Mais qu'est-ce que je suis en train de créer aussi en prévoyant d'avance. C'était un rapport particulier, autant la prédiction. Smith et compagnie, là, le premier texte, je pense, c'est le numéro 1, là, je pense, qui parle du régime temporel d'anticipation du néolibéralisme. Dans leur texte, c'est plus en lien à la technoscience, puis et comment ça s'incarne dans les corps qui subissent ces temporalités puis ces affects-là. Et dans leur texte, ils présentent quatre sous-catégories, disons, de cette orientation temporelle au futur, dont la prédiction en est un. Puis tu sais, ils décrivent toute l'opérationnalisation de ces modes temporels. Il y a la prescription, je pense, il y a la prédiction, il y a la spéculation, en tout cas. Puis ils montrent à quel point, par exemple, la prédiction, justement, devient un... J'ai pas d'exemple en tête avec ce texte. Mais c'est pas juste une force qui flotte là, t'sais, ça passe encore une fois dans les institutions. T'sais, je veux dire, si un des sous-types de ce régime de futur du néolibéralisme est la prédiction, c'est parce qu'il y a des choses qui sont mises en place qui sont basées dessus. T'sais, je veux dire, il y a des politiques qui transforment les infrastructures, et donc les infrastructures changent, puis pour mieux prédire, et donc les individus eux-mêmes doivent, bref. Qu'est-ce que je crée en essayant de prédire mon incapacité? Puis sais-tu, en épousant un modèle dominant de la prédiction, parce qu'on me demande de prédire, que c'est Déjà, c'est cadré beaucoup, parce que quand on a accès à des services comme ça, c'est par rapport à un diagnostic. Fait que déjà, être autiste et en dépression, c'est pas quelque chose qu'ils savent gérer. Non. Donc, puis dans ton cas, c'est autre chose. Puis ils ont des cases, des listes pour chaque handicap. Fait que déjà, c'est tellement cadré avec des... Puis ce que je ressens souvent dans ces cas-là, c'est qu'on ne nous montre pas la liste. Oui, il y a un truc de savoir qu'on ne nous dit pas. Oui, oui. Moi, ça me stresse beaucoup, tu sais. C'est vraiment cet effet-là de comme, ah bonjour, t'as accès au service qui nous a donné ton diagnostic officiel de ta-ta-ta. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir de besoin? Puis moi... Mais comment on peut savoir quelque chose qu'on sait pas? Oui. Tu sais, c'est ça le truc. Puis c'est comme, non, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? C'est quoi les options? Oui. C'est comme votre buffet, là, genre c'est moi qui viens vous voir. Là. Avez-vous une expertise pour autisme, par exemple? Non, pas vraiment, mais on a des. Puis là, c'est beaucoup de parler avec un conseiller. La parole. Comme disait Dalida, les paroles. Puis le stress aussi que ça engendre de faire comme, ben comment ça, tu sais pas qu'est-ce que t'es pas capable de faire. Tu dois self-advocate. Souvent, ce qui arrive, c'est un peu. Ben, on essaie de penser à qu'est-ce qu'on a déjà entendu. Mm-hmm. Puis souvent, ben c'est juste de lancer quelque chose parce que la situation est absurde. C'est dis-moi ce que tu sais pas. Oui, puis c'est là où ça manque d'imagination politique. Et là, je cite Kaffer et je cite qui c'est d'autre aussi, José Esteban Munoz. C'est comme, il y a un manque d'imagination politique. Dans le sens où tu sais, mettons, juste ce que tu dis, c'est sûr que ça demande, encore une fois, une connaissance de soi, une réflexivité. Mais c'est sûr que ça demande une imagination tout à fait différente d'arriver dans un lieu où tu peux tout dire, n'importe quoi. Genre je dois m'étirer à toutes les 5 minutes et crier... crier vive les cornichons, n'importe quoi. Et c'est pas du tout la même affaire que genre t'as le droit de sortir une fois de la classe pour aller faire pipi. Puis même là, je veux dire, y a rien qui dit que réellement une fois rendu dans la classe, tu as vraiment le droit à cette accommodation, parce que là encore, et tu l'as très bien vécu toi aussi, tu dois toujours encore... Tu dois contacter les professeurs. Tu oui, tu dois expliquer. Avant ils comprennent pas. Les conseillers qui viennent oui. t'emmêler. Puis il n'y a rien qui dit que quelqu'un va comprendre. C'est fait, il faut que tu expliques. Là encore, et puis tout ça, c'est de la il faut que tu démontres ton expertise, blablabla. Mais bref, c'est sûr que c'est des rapports au corps qui sont différents. Tu arrives en tant que corps-esprit, puis tu es comme, ben moi je bouge et je pense et je suis dans le temps et dans l'espace différemment. Mais si on reconnaissait ça, ben ce serait pas le sèche, ce serait pas genre t'arrives puis il y a un monsieur ou une madame qui sur leur ordinateur ont toutes les listes d'accommodations possibles, puis tu le vois, ils cherchent, ils sont comme bon, qu'est-ce que je peux te proposer, et toi tu vois pas toute la liste, tu vois juste la liste des autistes, tu vois juste la liste des tétraplégiques, puis je suis comme, tu sais, je veux dire, puis c'est aussi pour ça que je dis incapacité avec un slash, parce que les études critiques du handicap se sont un peu circulé dans les espaces francophones. Puis encore moins dans l'espace francophone dans lequel je suis actuellement, qui est le français québécois, dans ce contexte-là. Et Laurence aussi, elle en parlait dans un de ses textes, elle comme, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre français à nous, québécois, ici, là, qu'est-ce qu'on fait avec les mots, là? Et il n'y a pas encore assez de réflexion autour de ces mots-là qu'on utilise, ça commence, mais bon. Et c'est sûr que j'y réfléchis aussi, puis ça fait partie de mon doctorat de me dire quel type de mots j'utilise et quel type de mots j'utilise pas. Puis pour le moment, parler des incapacités avec un slash entre incapacité puis capacité, et pour moi, pour le moment, la manière la plus pertinente d'en parler, pour moi, oui, mais pas que pour moi, en termes de... pour former des coalitions plus larges, parce que ce qui se passe en ce moment à Montréal, à Turtiaké, mais comment on le vit dans ce contexte de ville montréalaise et de territoire, de province québécoise, c'est que il y a des gens qui sont financés, puis il y a des gens qui ne sont pas financés en ce moment, puis que... mais comment dire ? C'est qu'en ce moment, il y a un hype, et c'est trendy, les sourds. Puis ça, c'est pas la faute des sourds, là, de la communauté sourde. Ça, c'est qui finance pas. Mais ce qui se passe, c'est que les communautés sourdes, en ce moment, sont notamment en train de... Puis je comprends pourquoi c'est fait. C'est ça le problème, c'est que je suis capable de comprendre, mais... Je comprends pourquoi il y a une volonté de se dissocier si fort des handicapés, des fous. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que dans l'envie de montrer ces différences-là, il y a une atomisation, il y a une séparation de lutte, il y a une séparation d'un vécu en fait qui pourrait être rassemblé. Puis oui, en tout cas, comment dire ça, je suis pas assez précis, je pense. Mais en fait, c'est parce que là, je sais pas comment c'est rendu là, mais on parlait du fait qu'on spécule. C'est pas prédire, c'est pas la même chose que de la spéculation. Prédire vient créer un problème, parce qu'on parlait de bouche. Ah oui, la loupe autoprophétique. Fait que là, si je dis... Fait que, tu sais, ce qu'on discutait avec l'exemple du service aux étudiants handicapés, c'est qu'il y a déjà... C'est déjà par rapport... Ben, tout est déjà structuré. Fait qu'il y a déjà un commencement qui est fait de prophétique, là. Oui. C'est déjà très cadré, c'est selon ton diagnostic. Oui, puis le diagnostic, il représente pas tout, hein. Non, une fois, mon diagnostic à moi, il est très complexe par rapport à mon incarnation dans le monde. Tu sais, je peux pas dire à des gens, je suis tétraplégique, je marche. Mais c'est ça. Par exemple... Ça devient étrange. Mettons, moi, on va m'accorder des écouteurs pendant les examens pour pas que je sois surstimulée au son. Mais j'ai pas le droit à mes écouteurs. Faut que ça soit des écouteurs prêtés pour pas que j'ai accès à du contenu d'examen. Ah, bah oui, tu tricherais. Exactement. Mais moi, c'est quelque chose que je peux pas faire. Mais non, c'est tes écouteurs. Mais c'est ça. Tu t'en saurais. Tu sais, ton âme. Exactement. Okay. Ou dans ton cas, par exemple, quel accommodement t'aurais pu demander pour cet été? J'ai un exemple. Pour cet été? Quand on regarde la liste, genre le service de transport sur le campus, là, par le genre de taxi, j'en ai pas besoin. Non, je sais, mais à quoi ça peut te servir pour un examen synthèse? Non, mais tu sais, je vois très bien, ça aurait pu être, j'aurais pu avoir plus de temps. Mais le but, c'est pas que j'ai plus de temps, c'est l'esthétique d'acclimite, puis c'est le fait qu'il y a des attentes. Puis quand, et c'est là où je reviens à ta première question qui est comme, tu sais, c'est aussi, tu sais, il y a aussi des aspects triggering dans l'université. Puis c'est là où je peux enfin répondre à ta question. Mais oui, tu sais, je veux dire, la date limite, puis les attentes, parce que. Peut-être qu'il n'y en a pas réellement de majorité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attente pareil. On attend de moi quelque chose. Puis c'est les pires situations possibles. Genre, je panique, je suis comme. Ah! Genre, c'est. Fait que. Que l'examen soit plus tard, ça n'enlève pas la date limite. La date limite, elle va toujours me stresser. Puis je vais toujours être la veille en train de réaliser que je suis en train d'échouer. Puis ou la semaine, tu sais, je veux dire, il y aura toujours ces moments de panique de comme, oh mon dieu, la date. Puis, de toute façon, c'est tout ce à quoi je pense. C'est le moment où j'ai eu mon travail, j'étais comme la date, ok, je peux me reposer un peu, ok, la date, oh mon dieu, un mois, 50 pages, ah oui, puis je vois les pages, 50 pages, puis je suis une personne de peu de mots à l'écrit, en tout cas, Bref. Aussi de se mettre à calculer combien de pages par jour jusqu'à la date limite. Ouais. Faudrait que... Je suis comme une page par jour. Pas, une page par jour, mais il y a des jours où ça va pas, là. Ah ouais. Où t'as des douleurs, où t'as des paniques. Oui, puis ça fonctionne pas. C'est parce que quelqu'un a dit ça un faire jour. Faire le ménage de l'appartement. Ou il y a quelque chose de plus important à gérer. Ce qui est souvent ça. Tu sais, il y a juste des choses plus importantes à gérer. Mm-hmm. Parfois, c'est être là pour ton ami qui va pas bien. Parfois, moi, en ce moment, c'est notamment ne pas me faire violence. Puis ne pas me faire violence, c'est aussi ne pas répondre aux attentes que je. Il y a d'un côté où je ne peux pas, mais il y a aussi de l'autre côté où comme mais je le veux pas, je le veux plus, genre je me suis fait violence, genre tu sais j'en ai écrit des millions de textes de genre puis de pas réussir de d'écrire quand je dois écrire 15 pages, puis là j'en ai écrit 14 puis, ou 13, fait que j'ai des points en moins anyway parce que j'ai pas atteint le nombre de pages. Tu sais je veux dire, ça c'est toute ma scolarité. Fait que c'est sûr que là il y a un reenactment de comme fuck, 50 pages. Puis là on va revenir à quelque chose. Ce que je produis cet été là, ça a aucune valeur dans son sens néolibéral. En dehors que entre mon jury puis moi là, t'sais, c'est pas un texte que je publie, c'est pas censé exister outre que dans cet espace-là de discussion qui est comme bah t'as-tu synthétisé ce que tu sais, oui non je sais pas, en tout cas on discute blablabla bla, bla. Mais ce travail-là il y a pas une publication qui s'ensuit, ça pourrait être, mais c'est pas l'université là quand même institutionnalisé de sorte à ce que ce soit du entre guillemets travail pour rien. Mais c'est pas du travail pour rien, ils vont dire ben non, les disciplines ça se forme au travers d'exemples que les nouveaux étudiants vivent, c'est à travers les exemples, la résolution de problèmes d'ores et déjà résolus par d'autres avant, que tu apprends à aller là où tu vas. T'es totalement opposé à genre notamment Rancière là, qui était c'est quoi le petit texte là dans la cuisine là, où il parle d'éducation populaire, d'émancipation intellectuelle et tout, le maître ignorant. Je veux dire, c'est la base de l'éducation nouvelle, de l'éducation populaire, c'est comme ben non, le maître ou la personne dont il y a, qui a le statut d'autorité est tout aussi ignorant que la personne qui est dans le statut d'étudiant. Voilà, dans étudiant ou d'accord. Autre chose, apprenti, hein, peu importe. Et que les gens qui t'accompagnent ou t'encadrent dans le maître ignorant ou ailleurs, tu sais, c'est qu'ils savent pas où je vais. C'est moi qui sais où je vais. Et c'est en faisant que je vais savoir. Fait que ce format-là de... qui est très disciplinaire, en fait, de comme... Ok, tu vas faire le même exercice que tous les gens de cette discipline pour prouver, apprendre ce travail, cet exercice que nous-mêmes nous avons fait, que nous léguons de génération en génération, à bibibu. T'sais, c'est sûr, ça crée du commun. T'es comme, ah oui, moi, quand je faisais mon examen de synthèse, bibibibu. Je suis comme, ok, mais. Bref. Mais c'est parce que là, il y a aussi le fait que quand c'est uniformisé comme ça, ben déjà, on ne fit pas. Mais non, on parle déjà de ma temporalité, elle fit pas avec ces politiques temporelles-là. Comment le crit time peut gérer ça en mode crit time, ça fonctionne pas. Mm-hmm. Moi, ça fonctionne pas. Toi non plus, mais... ça fonctionne pas pour beaucoup de gens, mais après ça, c'est pas juste ça. Par exemple, moi, si je suis pas capable de comprendre le pourquoi, puis le sens, puis la valeur d'un travail, qui serait ça, je suis pas capable de travailler. Dites-moi pourquoi il faut le faire, à quoi ça va me servir moi. Et si la réponse est trop floue, ou si c'est juste, ben c'est comme ça que ça se passe, moi je tombe dans une incapacité de produire quoi que ce soit. Ouais, puis c'est ça aussi, fait qu'il y avait le truc de l'accommodation, mais il y avait aussi le truc de négociation. Tu sais, je t'aurais pu contacter Lynn il y a bien longtemps, puis être comme, hey Lynn, qu'est-ce qui se passe, si je peux faire, peux-tu faire de la recherche création, c'est quoi ma marge de manœuvre? Tu sais, j'ai compris, effectivement, que j'avais une marge de manœuvre que peut-être avec d'autres gens, je n'aurais pas. Mais c'est vrai que je suis pas allée te demander plus, genre, hey, c'est quoi ma marge de manœuvre? Hey, je peux-tu faire ça? Mais effectivement, et encore une fois, la responsabilité est juste sur moi. Puis je suis comme, quand est-ce qu'on discute de. Mais c'est quoi vos attentes à mon égard? En avez-vous? Puis c'est quoi, moi, mes attentes à votre égard? Puis c'est quoi ma sensibilité? Mais il y en a eu une discussion, mais. Puis pourquoi je dois pas parler à mon directeur? Tu sais, je veux dire. Mais ça me perturbe parce que du coup, je suis comme. Mais je peux pas lui écrire. Mais je peux lui. Mais comment? Bref, il y a plein de non-dits, puis ça me fait chier que la responsabilité de l'éclaircissement ou de l'explication, c'est moi qui dois la porter, c'est moi qui dois demander, et regardez, je ne comprends pas, ou c'est ça que je vous demande. Je suis comme, ok, mais pourquoi c'est tout seul que genre je vis mes frictions, hein? Mm-hmm. Pourquoi, tu sais, pourquoi c'est un texte, pourquoi c'est toi qui es pris avec, oui, pourquoi c'est moi qui faire un énoncé, à me demander à recevoir des questions, à y répondre tout seul, en temps de mots, pour telle date. Pour moi, ça c'est absurde, c'est comme, mais ça sert à quoi au final? C'est pour m'évaluer. Mais c'est ça, c'est pour réguler, c'est pour... Ouais, je me suis fait évaluer en titi, moi, là, dans la vie, là. T'es toi aussi, là. C'est épuisant parce que, en fait, ce qui prend le plus d'énergie, c'est tout ce qu'on parle depuis le début. Date, temps, performance, mm-hmm. Rédaction, nombre de mots, c'est ça qui a pris de la place. on n'a jamais, ça donne pas la place à vraiment travailler sur ce qu'on veut travailler à cause de ces exigences-là, ces peurs-là qui sont légitimes parce qu'elles sont construites depuis qu'on est nés, là. T'sais, l'école, en général, c'est ça, là. C'est des attentes, des exigences, une demande de performer. Puis là, on parle même pas quand on a des parents qui te demandent de performer plus que performer. Mm-hmm. Oui. Puis là, on est la veille de ta remise. Mm-hmm. Puis combien d'itérations j'ai tenté de faire de réponses, t'sais, je veux dire. Ça fait combien? On aurait dû calculer les heures de travail. Oui. On aurait dû. Oui. Tous les textes, toutes les maps, toutes les mises en espace. Mon temps. De ton travail. Ton temps. Le temps de parler à Hind, tu sais, je veux dire, il y en a plein des temporalités. Les chats, mais tu sais, même les chats, genre la nuit, je vais les voir, tu sais, mm-hmm. Je leur parle pas, mais. Mais c'est ça, ils me voient, là, ils me voient que je dors pas, puis je suis comme. Enfin, bref. Fait que, en tout cas. Fait que, tu sais, il y a une autre réponse qui est comme. Tu sais, il y a la capacité, mais il y a aussi la réponse du refus. Genre, je peux être comme fuck you, tu sais. Genre, non, allez vous faire voir. Pas très poli. Non, mais tu sais, t'es sûr que, encore une, ça aussi, hein, qui est intéressant, dans, c'est pas linéaire, là, l'apprentissage puis compagnie, puis je veux dire, le refus en soi, c'est pas quelque chose, c'est pas là-dedans que je veux aller, mais ça veut pas dire que parfois, je suis pas genre, hey, fuck you, esti, genre, parfois tu le sens, t'es comme, oh, bref, c'est pas pour discréditer ça non plus, mais, est-ce que je parle de texte, là, parce qu'il y en a qui parlent de refus, mais... Mm-hmm. C'est parce que, dans le fond, là, c'est un peu comme la déconstruction. Quand tu déconstruis, il faut que tu reconstruises après. Mais là, t'as un refus, mais ça peut pas être juste le néant après, là. Ouais, mais t'as... mais c'est ça, là, je vais aller avec les queer, là, les théories queer. Parce que... comment je peux amener ça, donc, comme on le disait? En fait, je les vois comme un exemple plus qu'autre chose. En fait, je vais pas prendre... Ok. On va prendre une micro-pause parce que j'ai envie de pisser. Okay. J'ai envie de fumer une clope. Ok. Mais je veux avant juste dire que ce qui est intéressant à date, c'est que on est parti de la situation de je suis pas capable de faire le shit, on va en parler. Puis là, t'es en train de dire ok, fait que j'ai des solutions, j'ai des options. Mm. Si je fais ça, c'est ça qui arrive, ça, là. Puis ça me fait penser à l'orientation de Hamid. Oui. Puis là, c'est comme si t'es en train de performer ce truc de oui. Voici les orientations possibles. Oui, j'articule ma vulnérabilité. Là, t'essaies de comme lequel je vais prendre, quelle orientation je vais adopter pour maintenant là. Mm-hmm. C'est live là. Mm-hmm. C'est pas genre ah moi dans la vie je veux devenir. Non, mm-hmm. c'est une décision à prendre avant minuit demain là. Mm-hmm. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Mm-hmm. C'est juste que t'es en train de performer oui. les possibilités de oui. d'avenir et tout mais de toutes les diverses orientations que t'as mm-hmm. à partir de toi. Oui. Et tout ça pour répondre en réalité à la question 1. Oui. Là je m'en vais vers la vraie formulation de la réponse, mais tout ce que je dis en ce moment, tout ce que j'ai déjà dit, fait partie de ce processus d'aller vers... je me suis perdue parce que j'ai vu des mots. Bref, en tout cas, après la pause, on continue. Je continue à articuler ma réponse en disant « Ok, mais c'est quoi que je fais finalement ?» Ouais. Okay. Ton énoncé de départ donne l'impression qu'il y a un star de chercheurs investis dans la recherche engagée ou la recherche-action par exemple. Tu poursuis un projet intellectuel qui situe l'intervention de la recherche universitaire au-delà du milieu académique où elle est souvent cloisonnée. Oui. Si ces recherches sont souvent portées par les spécificités socio-historiques de l'intervention, quelles questions peut-on se poser si le projet intellectuel prend en quelque sorte racine dans le « la » chercheur elle-même ? Comment les temporalités de « la », ça, une vie, et les corporalités d'un son vécu, peuvent-elles informer, voire transformer, le parcours, les intentions et les formes de la recherche ? Tu vois, à chaque fois que je dis la question, ça me... C'est bien d'aller une partie à la fois. T'sais. Mais c'est que la question, elle me fait peur. On dirait que c'est juste. Bon. Tantôt, on parlait de temporalité. Tu sais, j'ai parlé des temporalités, des politiques temporelles, disons, dominantes ou hégémoniques, puis comment est-ce qu'elles viennent cadrer et réguler certains corps. Qui négocient des enjeux d'incapacité at large. Donc le fait d'osciller entre des possibilités, le fait d'avoir des horizons ou comme ton rapport à la capacité ou l'incapacité n'est pas déterminé d'avance. C'est un oiseau. Mais, et donc là où on pourrait s'en aller pour continuer, c'est donc justement dans ma temporalité à moi et ma corporalité, qu'est-ce que mon orientation, qu'est-ce que ça fait dans ce lieu-là. Qu'est-ce que ça peut faire? Et qu'est-ce que, en fait, je fais? T'as un coup de fatigue? Point d'interrogation? Oui, mais ça va. Ok. Je vais fermer cette page qui ne m'aide pas. Mais déjà, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, hein, parce qu'on sait qu'on est d'accord sur la même chose, j'ai déjà écrit là-dessus. Mm-hmm. Mais juste ce constat que un projet intellectuel ne réside pas seulement dans l'académie. Ah oui, oui, oui, c'est vrai. On pourrait commencer là-dessus parce que je sais qu'on est d'accord. Oui, je te l'avais dit hier ou une autre journée, que c'est même plutôt l'inverse qui se passe, dans le sens où juste tu, en réalité, le projet intellectuel comme quelque chose qui appartient pas forcément à l'université, fait que j'ai déjà mon projet intellectuel, puis mon intervention elle se fait notamment dans l'université, tu sais. Ce qui est... Puis en fait rien, puis il y a aussi des simultanéités. Déjà, je voulais juste qu'on règle ce truc. Oui, oui, oui, parce que c'est vrai qu'il y a une orientation. Mais je comprends que c'est pour me situer en contrepoint de d'autres types de chercheurs qui vont dire quelque chose de similaire au niveau du discours. Genre, ah, je vais dans la communauté, je vais, j'ai mon projet intellectuel en dehors de ces murs, et blablabla, mais qui, au niveau du geste, au niveau de l'action, font des choses qui sont séparées. Donc là, c'est là où je comprends bien, oui, le fait d'arriver d'arriver en tant qu'observateur ou en tant que chercheur dans un nouveau contexte, et que c'est ce contexte dans lequel tu arrives qui lui détermine type d'intervention, du coup, et là c'est. Bref. Mais il y a aussi la notion d'intervention qui nous a. Qui est polysémique, ouais, qui est extrêmement polysémique. Pris en discussion. Ça dépend dans quelle zone on se situe. Ouais, pour comprendre ça. Moi, de mon point de vue, au niveau des. Là. Vu que je viens des arts visuels et médiatiques, l'intervention, en fait, c'est une manière de nommer un certain type de performance où on intervient. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment sur le geste du ici et maintenant. Mm-hmm. Souvent en espace public ou dans le spectre public. Puis, ce que ça implique, puis par rapport aussi à tes recherches, tes processus et tes méthodes, c'est cette notion de art et vie. Mm-hmm. Qui est vraiment comme. Qui peut sonner cliché. Mais on dirait que dans cette question-là, par rapport à cette intervention, normalement, tu sais, ça s'est vraiment posé avec des mots, une manière de poser la question qui est très universitaire, justement. Mm-hmm. Tandis que moi, je suis comme, ok, non, mais c'est pas comme ça que j'aurais formulé, mettons, pour toi. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et toi, ça aussi, ça fait partie de pour moi, de comme, pourquoi il n'y a pas eu de jasette, là? Genre, pourquoi on n'a pas jasé? Dans le sens où je suis genre, qui pose quelle question? Tu sais, comme, qui apporte quoi? Tu te souviens de ce moment où tu te faisais. T'avais soumis un texte et les personnes qui te corrigeaient, ou la personne qui te corrigeait. Le comité de révision, le comité éditorial, commentait à partir d'un compte, genre édition, truc, mûche. Fait qu'il n'y avait pas. C'était anonyme. Puis, tu sais, ce qu'on voyait là, c'était comme. Oh, mais c'est un rapport d'autorité vraiment. Tu me le disais, puis j'en jasais. C'est un rapport d'autorité qui est vraiment. Qui était tough pour toi à vivre, parce que là tu te faisais dire plein de choses, puis t'es comme, mais qui parle, qui écrit? Puis c'est différent. Mais c'est sûr qu'on peut se poser plein de questions qui fait que la façon dont l'infrastructure administrative de l'université détermine cet examen, puis nous oriente tous et toutes là, de sorte que c'est que maintenant que je pense à plein de choses possibles et inimaginables. Il nous oriente là. Oui. Il nous oriente, puis je comprends aussi que c'est tough de dealer avec ces orientations-là. Puis c'est pour ça aussi que ma réponse, c'est pas juste un fuck you. C'est parce que je comprends bien que c'est l'infrastructure administrative qui nous oriente. Et c'est pour ça que je préfère le formuler en ce moment dans. Non, non, le projet intellectuel, il est chez moi, il est dans la vie, il est dans l'espace, dans l'univers, il existe. Mais l'intervention, elle. Puis, tu sais, je veux dire, moi aussi, intervention, c'est plus un mot du cinéma. Tu sais, je veux dire, intervention vidéo, tu sais, je veux dire. C'est pas un mot qui me vient de l'académie à la base, ce mot-là. Où je l'ai découvert plus. Du milieu de la communication. Non, pas du niveau de la communication. Où je le connais du milieu associatif aussi, intervention. Mais les personnes qui posent la question, viennent de quel domaine, de quel champ? Oui, c'est pas comme. Okay. C'est pas. Parce qu'on s'est peut-être beaucoup posé la question de qui utilise l'intervention, dans quel sens, tu sais. Parce que dépendamment d'où tu viens. C'est quoi ton expérience avec ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est signifiant. Oui. L'intervention, comment, quelle intervention, pourquoi, Où, dans quel sens. Puis il y a une autre question, je veux dire, il y a aussi tous les textes que j'ai proposés, ils ont été modifiés parce que ça prend vraiment la forme d'une conversation. C'est ça qui m'étonne, c'est que c'est une forme de conversation où, comme j'envoie quelque chose, on me répond avec des nouvelles choses. Et puis je me demande aussi, mais qui a mis ce texte-là? Qui a mis ce texte-là? C'est quoi les affects reliés à ces textes? Puis ça m'énerve, ça aussi. Mais ça m'énerve. Ça me posait cette question, moi, je suis genre, wow. Ce texte-là, moi, je l'ai lu de telle manière, mais qui c'est qui l'a proposé? Puis genre, comment c'est tombé dans une personne autrement, ou, et c'est très décorporalisé comme processus. Oui. Et je pense que je le réalise. C'est très décorporalisé. Oui, puis pour moi, ça perpétue certaines violences. Oui, aussi. Sans que ça soit la faute des personnes concernées, mais ce truc de ne pas savoir c'est qui exactement, puis ce truc de... C'est pour moi, l'article dont tu parlais, là, c'est que sur le site internet de la revue, on sait c'est qui le comité éditorial. Ah oui, il n'est pas anonyme, j'ai oublié de le dire. C'est ça. Mais les commentaires, je ne sais pas, ils proviennent de qui. Qui était là, qui n'était pas là, qui commente. Puis avec le puis là, c'est différent parce que moi, je recevais des commentaires qui étaient très violents. Oui. Où on m'expliquait c'était quoi être autiste quand c'est moi qui est autiste. C'est ça, c'est pas tout à fait la même situation. Mais c'est ce truc de ne pas savoir qui parle. Et puis ça, c'est un peu terrorisant, je te dirais. Ouais, mais oui, effectivement, je m'en étais pas rendu compte avant de l'énoncer là. Au début, je parlais de ce truc de trigger aussi. Puis pourquoi t'étais pas à la conversation qui ont formé les questions? Oui. Puis pourquoi? C'est secret. Moi, ça me fait très genre. Pourquoi vous avez fait meeting? Ouais, qu'est-ce qui a été dit? Mais ça me. Tu sais, c'est un truc, c'est secret. Il y a des murs, puis il y a des. Tu sais, c'est un peu comme souvent à l'université, parfois je suis comme, pourquoi on parle pas de ça? Pourquoi on parle pas? Tu sais, genre, tout se parle behind closed doors. Mais visiblement, même... Mais oui, c'est vrai. C'est ça qui est... Mais bon, ça, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est... Tu sais, la forme initiale, c'était une forme initiale dynamique, effectivement, d'aller-retour, et qui invite la conversation. Qui invite... Et c'est pas pour rien que c'est cette forme en ce moment. Et c'est particulier. Mais encore une fois, je... Oui, puis aussi, tu sais, le fait que cette discussion-là, là, au départ, qui se partait bien, quand même, puis qu'il y avait pas... C'était pas obligé d'être un face-à-face verbal. Dans le sens où t'écrivais un texte, ils recevaient, posaient des questions, tu sais, cette forme-là, c'était une discussion. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont quitté la discussion. Fait que j'ai dû venir pour qu'on discute. Oui, c'est vrai. Puis ça crée des compositions intellectuelles. J'ai fait la même chose avec lui, non? C'est ça. Tu sais, c'est comme, t'avais commencé une discussion, puis la personne est partie. Fait que t'as voulu continuer à discuter, fait qu'il y a d'autres gens qui sont venus. Ah, c'est ça qui essaie de prouver l'examen. C'est tout. Ok, parce que tu peux pas contacter ton directeur. Je pense que l'examen en tant qu'examen, là, en tant que ce qui a été voulu, c'est est-ce que tu es capable de travailler sans ton directeur ou ta directrice, si celui ou celle-ci est ton... Ils disent pas. Mais non, mais pourquoi est-ce que je peux pas contacter? Le seul règle, c'est je ne peux pas contacter mon directeur et ma directrice, puis genre, tu es censé être tout seul pendant tout un été. Je veux dire, c'est pas correct, là, mais ça doit être une idée d'indépendance et d'autonomie qui... T'es-tu capable de penser tout seul? T'es-tu capable de penser sans ton directeur? Cette figure qui est censée te diriger, te superviser, te... Mais... Je veux dire, il n'y a pas que ça, il y a aussi un écrémage qui est fait entre le bon et le mauvais étudiant et compagnie, là, mais... Mais tu sais, pourquoi cette épreuve doit être vécue seule? C'est un truc néolibéral, d'autonomie, d'indépendance. Ça s'appelle examen. Je sais, examen, ça me fait... C'est non. Non, examen, c'est... J'étais retournée voir l'étymologie du mot examen, puis c'est comme... Si je l'avais lu, j'étais comme ta parmouche. C'est genre tortueux. J'exagère, mais c'était. Ok. C'est comme ça que je m'en souviens. C'était genre un truc tellement gros comme différence que c'est comme si c'était le mot torture, genre l'étymologie d'examen. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas loin, tu sais. Puis il y a l'examen oui, ouais, médical. C'est un truc de confession, de genre. En tout cas, épreuve. C'était. C'était oui, épreuve. Tu sais, il y avait Foucault. Foucault était là, genre. Son âme était genre. Mais bref, tu sais, on peut toujours s'attarder sur ça, puis. Puis c'était sur José Esteban Munoz qui m'a beaucoup ému en fait. Il parle de l'espoir, puis il parle de, tu sais, l'espoir, travailler pour l'espoir, puis de le garder, de l'énarque et compagnie quotidien, ça va prendre beaucoup de déceptions. En gros, c'est ce qu'il dit. Et il dit d'autres choses que je reviendrai plus tard sur parce qu'il parle de temps, d'orientation temporelle, puis d'utopie. Bref, attends. Mon problème, c'est que je veux tout dire en même temps, c'est toujours ça. Et donc, José Esteban Munoz, c'est ça, il va y avoir des déceptions. Et un truc qui est un peu... Un truc que ne fait pas José Esteban Munoz, parce qu'il donne beaucoup de précieuses informations, et il ne dit pas, par exemple, quoi faire avec la déception. sais, dans le sens où, en gros, ce qu'il dit réellement, c'est en réponse au queer anti-relationnel, anti-sociaux, là, qui a émergé dans les années 90 et début 2000, parce que, je veux dire, quand tu regardes le contexte de production de ce savoir intellectuel-là, tu comprends aussi pourquoi est-ce que certains théoriciens queer se sont positionnés dans une thèse anti-relationnelle. Donc, chacun a des définitions différentes et l'articule différemment, mais comment je le comprends, c'est le fait que le présent vécu est ce qu'il n'y a que, et donc la socialité qui doit être vécue basée seulement sur la catégorie de la sexualité. Mais je comprends que c'est des peurs d'annihilation, t'sais. C'est des peurs de contamination, de d'autres... Si tu vois la sexualité comme une catégorie d'analyse notamment, ben c'est que d'autres catégories d'analyse peuvent venir contaminer la chose sur laquelle tu t'appuies pour penser et exister. Bref, en gros, là je me suis perdue et il rapporte l'espoir. En disant que ce pragmatisme-là... Anti-relationnel. Oui. Oui, c'est vrai que c'est différent. Mais cette volonté de se situer contre... Pas contre, mais... Ok, je vais prendre une petite respiration, ok? C'est comme si je voulais bien dire, alors que... Je l'ai déjà dit. Mais là, il y a... J'ai un texte en particulier de ton examen qui est Alberstam et compagnie sur ouais. Justement ce mouvement anti-relationnel. Oui, ils reviennent tous là-dessus. Fait que là, ils se rassemblent, puis ils parlent de ce truc anti-relationnel. Ils se sont pas rassemblés, justement. Comment ça? Ils sont tous dans le même texte? Non, oui, mais c'est l'une des choses où je vois ce texte, et je le trouve plus intéressant en tant qu'artefact culturel plutôt que comme théorie à prendre. En termes de forme, c'est ça, puis c'est peut-être ça. Exact, parce qu'en fait, ils étaient tous dans leurs universités respectives, villes respectives, puis ils avaient une date limite à laquelle il fallait qu'ils envoient leur texte sur, j'avoue. Leur texte sur leur intervention, sur leurs choses à dire sur le sujet. Mais en gros, le MLL, là, c'est comme, on revient sur des grandes théories dans le moment présent. Genre, c'est quoi les grands enjeux contemporains? Là, c'était 2006, mais la conférence en question, là, le gathering, où il n'y a pas de gathering. Redis-moi ce que je cherche. Femme, anti-relationnelle. Je ne sais pas c'est qui la première personne qui citait. Alors, 2006. Mais c'est ça, PMLL, là, ça n'a rien à voir avec les queer. C'est genre un congrès qui se réunit chaque année, puis dans le congrès, il y a des sous-catégories. Puis là, en 2006, l'une des sous-catégories, c'était genre l'avenir de la théorie queer, l'avenir, je sais n'importe quoi, la thèse antisociale. Puis là, il y a des sommités, dont Lee Edelman, Jack Alberstam, José Esteban Munoz, et d'autres, qui ont écrit un court texte disant leur opinion. Sur l'antisocial. La thèse antisociale dans la théorie queer. Le problème... Ça, c'est toi qui ajoute, c'est moi qui a... Fait que, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thèse, c'est ça, et dans ces textes-là, ils vont pas déjà parler de la même paternité textuelle, si je peux dire. La plus connue, c'est celle de Léo Bersani, qui a écrit notamment... qui a écrit à ce moment-là Homos, ou Homo, je sais plus, en 96, qui est vu comme le moment de la théorisation de la thèse antisociale. On a d'autres aussi qui le voient dans la production de Lee Edelman, quand il a fait No Future. Un peu avant 2006. J'ai oublié quand exactement. Ouais, c'est ça. Fait que là, puis là, il y a genre une personne qui... Il y a plein d'inter-textualité puis d'auto-textualité. Il y a genre... Il y a quelqu'un qui parle de Léo Bersani, qui est pas dans les écrivains actuels, dans les auteurs. Mais là, il y a Lee Edelman qui parle de Léo Bersani, puis qui parle de lui-même. Puis là, il y a Jack Alberstam qui parle de Lee Edelman. Puis là, il y a Lee Edelman, il fait référer à Jack Alberstam. Puis là, t'es comme... Oh, puis ça fait aussi que chaque auteur parle... ne définit pas ces termes. Donc là, il parle de négativité, il parle d'antisocialité, ça parle de socialité, bien entendu, ça parle de... Bref, ils parlent tous, ils veulent tous parler de la même chose, et notamment, ils veulent tous parler de la même chose pour essayer de comme, comprendre où mieux aller avec la théorie queer, parce que là, c'est comme... Ça fait dur, c'est compliqué, là. Je pense que la thèse anti-relationnelle, elle était complexe à assumer. Il y a même quelqu'un qui le souligne, je pense que c'est peut-être José Esteban Munoz qui le souligne. Il y a quelqu'un qui souligne le fait que il ne sait pas la réponse de la personne. Bref. Fait que c'est un peu un... C'est pour ça que recherche, comme c'est plus un artefact culturel qui montre comment des chercheurs, à un moment donné, ont essayé de dealer avec un problème, pour moi, qui est relié à un problème existentiel, dans le sens où, pour beaucoup, ils ont été confrontés à des niveaux de mortalité puis de ungrievability, tu sais, qui a été tough, là. Bien que ça n'ait pas été les seuls touchés, mais bref, il y a quelque chose qui a été vécu. Et notamment quelque chose qui a été vécu basé sur la socialité, notamment des hommes gays, mais bah, des queers, tu sais. Fait que c'est certain que t'as... Tu sais, je comprends la peur, je comprends la terreur, je comprends la peur de l'annihilation, je comprends. Mais ce que ça en dit plus, c'est comment est-ce qu'on gère nos déceptions? Comment est-ce qu'on les gère, ces moments-là où... Ben, tu sais, il y a des moments où ça va pas aller, là. Il y a des moments d'errement académique, il y a des moments d'errement existentiel, il y a des moments où on va être bloqué, il y a des moments... Mais c'est quoi le lien entre, mettons, ce gathering fake de queer qui se prononce sur la thèse antirelationnelle, mm-hmm. qui est l'idée de déception? C'est José Esteban Munoz qui fait partie des écrivains. Puis là, ouais. comme moi, j'ai écrit un livre sur l'espoir. C'est celui qui détonne le plus. Et comme moi, là, puis là, il a écrit le livre que j'ai, qui fait partie des textes qui ont été ajoutés puis que j'avais pas. Puis, tiens, je vais le prendre parce que je l'aime. Puis, il veut réhabiliter l'idée d'utopie puis l'idée d'espoir. Parce qu'il y en a, ben, il en voit pas beaucoup, puis notamment pas dans le milieu, dans le champ dans lequel il opère. Et ouais. Puis, mais il rappelle qu'il va y en avoir des déceptions. Puis il parle plutôt de l'espoir et donc de l'utopie, puis des... Dans le fait que c'est l'utopie, c'est pas quelque chose que... C'est pas un idéal inatteignable, c'est plutôt quelque chose qui doit être performé et un acte dans le quotidien. Mais c'est aussi l'utopie, c'est les potentialités. C'est les potentialités senties et pressenties qui ne sont plus dans le présent actuellement, mais qui appartiennent au passé, dont il y a des... qu'il est possible de refaire sortir par le champ esthétique, de ramener ça dans la conscience actuelle, dans l'imaginaire actuel. C'est aussi de rendre présent... Maintenant, ici et maintenant, les socialités, les manières d'être, les formes de relationnalité qu'on désire et qu'on veut dans le monde, dans un monde idéal, mais de les performer immédiatement, en fait. Et, mais c'est ça, mais il dit que donc de cet espoir-là, c'est tough, c'est du travail, c'est beaucoup de travail, puis ça prend des déceptions. Fait qu'il va beaucoup parler, c'est ça, de comment amener l'espoir, il va montrer beaucoup d'exemples et tout, mais il n'y a pas ce truc de « ok, mais il faut quand même qu'on gère nos désespoirs ». Faut quand même qu'on gère nos traumas, faut quand même qu'on gère nos frictions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces frictions-là, t'sais? C'est la mort. Ben, c'est pas le sujet, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a un chemin, puis là, ça va être difficile, mais c'est pas trop quoi faire avec les déceptions qui vont venir, les obstacles, c'est comme... Mais y a pas ce truc de « à venir », t'sais. Ah. C'est plus, c'est... T'sais, l'utopie, c'est comme le futur, tu le fais maintenant, là. T'sais, si mes valeurs, c'est... le soin, la vulnérabilité, l'interdépendance et la justice sociale, ben, do it now, là. Maintenant, avec toi, avec ce que je fais, avec qui est là, qui est pas là, tu sais, je veux dire, c'est ça, tout le monde. Mm-hmm. Puis, dans le fond, quand on a commencé le sujet, mm-hmm. t'as commencé avec, mais il aborde pas comment gérer les déceptions. Mais je pense que c'est une question, c'est plus, c'est une des questions que je pose dans l'air, t'es. C'est comme, c'est une des questions qui émanent de tout ce corpus là, puis je veux dire, je sais comment, c'est que j'essaie de dire deux choses en même temps. Parce qu'en fait, il y a d'un côté ma réponse que j'essaie de formuler, ma réponse en tant que qu'est-ce que je fais avec cette date limite et la forme et compagnie. Et l'autre point, c'est que je veux finir la parenthèse de l'antirelationnalité. Ah, s'il y répond qui te parle. Ok, non, bon, je ferme cette parenthèse, ok. Mais on continue le truc de l'espoir là, puis de tout ce que j'ai dit là, de José Esteban Munoz qui est comme ok, mais ça c'est maintenant là, fait, do it. Mais c'est pas ça qu'il dit, c'est mais. Mais en même temps, c'est que, tu sais, bon, la première question qui t'est posée, c'est quand ça part du chercheur, qu'est-ce qui émerge comme question? Ben, c'en est une. On fait quoi dans ces moments de désespoir-là, tu sais? Mm-hmm. Parce que, dans le sens où on se conçoit comme des êtres vivants qui ont un quotidien, qui ont une vie, qui, mm-hmm. on fait pas juste écrire des textes. sujet, qu'est-ce qui émerge comme question? Ben, l'image, ben, je fais quoi quand je fais le pas? Je fais quoi quand, genre, je suis dans un désespoir total dans ce projet intellectuel-là? Mais c'est pas juste le désespoir. Parce que les déceptions, elles surviennent de la relationnalité entre les choses. Fait, tu sais, c'est que je suis une friction. Je suis une esti de friction. Pourtant, j'essaie de me faire pas trop visible. Ben bref. C'est que je cause la friction, là. Fait que c'est sûr que je suis souvent déçue aussi. Tu sais ce que ça fait d'aller dans des milieux puis d'être comme... Tu sais, tu vas dans... Puis réaliser qu'on avait ben beau des idéaux d'utopie puis d'espoir, mais genre, tu sais, ce milieu-là, militant, ça va pas fonctionner. Parce qu'il est crissement, genre, misogyne, crissement capacitiste. Fait que tu sais... Oh mon Dieu, je me suis perdue. Aïe, j'ai de la misère. T'as pas de la misère? Juste me dire si. Ça... Genre, ma première question, ça dit quelle question émerge quand ça vient de chercheur. Ah oui, c'est la question. Oui, c'est bon. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu peux me confirmer, oui ou non, la question que tu as posée de comment on gère ces moments de. Comment on gère, oui, comment on gère nos déceptions et nos frictions. Et nos frictions. Ben, moi, ce que je veux que tu me dises, oui ou non, c'est une des questions qui émerge quand ça part du chercheur. C'est ça que je veux savoir. C'est ça qui me manque. Oui, oui. C'est pas la seule. C'est une des questions qui arrivent. Parce que si on est dans cette idée de l'intervention traditionnelle, de la recherche engagée, action, machin, y a-tu vraiment quelqu'un qui va se demander qu'est-ce que je fais avec mon désespoir? Est-ce qu'il y a cette question de l'espoir, de l'utopie, de ta-ta-ta? Est-ce que c'est... Non, mais il y a un texte que j'avais parcouru, puis je l'ai relu là aussi, parce qu'il m'avait été conseillé, c'est Mediating Messiness. Mediating Messiness, Expanding Ideas of Flexibility, Reflexivity and Embodiment in Fieldwork. Ce sont des personnes au doctorat qui reviennent sur, ben, tu sais, entre ce que tu prévois, puis ce que tu fais, puis c'est vraiment souvent tout un monde. Puis bref, ça pose des questions sur les idées d'être de flexibilité, puis d'incarnation dans ton travail. Mais. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est. Tu sais, ça parle pas d'espoir et d'utopie, mais ça parle de comme qu'est-ce que tu fais avec la messiness de la vie. Le fait que, genre, il y en a pas de séparation dans la vie, là. Puis que entre ce que tu prévois, puis les réalités d'un terrain, bref. Fait qu'il y a ça un petit peu. Mais c'est pas. Ça n'apporte pas vraiment de nouvelles questions ou des réponses à des questions que moi je me pose ou des nouvelles pistes de réflexion. Puis mettons, parce que eux, est-ce que c'est à partir justement de cette manière traditionnelle d'intervenir dans l'intervention engagée ou non? On sait pas. Tu peux pas savoir? Ah, tu parles le texte! Oui, ces gens-là qui ont écrit le texte. Est-ce qu'ils parlent de recherche engagée ou de recherche intervention? Oui, de manière plus traditionnelle comme ça. J'ai l'impression, oui. Oui. Oui, ils s'en vont en Équateur, tu sais. Ok. Fait que dans le fond, eux autres, puis j'essaie de saisir la question que genre, j'ai pas encore compris après des mois, là, qui t'a été posée, mais. C'est moi qui dois la saisir. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, une discussion, c'est complexe en tout cas. Cette intervention de leur engagé, d'habitude, on prend des gens qui étudient un domaine en particulier, qui s'en vont en Équateur. Puis là, il y a un besoin quelconque avec socio-historique, nanana. C'est que tu vois un contexte, et comme, ah, oh, c'est ça le problème, je vais intervenir dans le problème, t'interviens dans le problème. Exact. Fait que c'est de là qu'ils parlent. C'est des gens qui font ce genre de trucs. Qui ont écrit le texte. Je sais pas. Je sais pas. Que c'est eux, leur motivation à eux, ou leur décision, ou ce qu'ils pensent que c'est bien, mais tu dis, ils s'en vont en Équateur. Ben oui, mais c'est pas ça le propos qu'ils développent. Ils développent d'autres propos, mais. Tu sais, je sais pas, il y a peut-être la personne équatorienne, tu sais, j'en sais rien, là. Mais c'est deux personnes, mais c'est vrai que c'est juste. Tu sais, on dirait que c'est parce que là, on revient en arrière, là. Là, on était dans comme la dernière partie, là. En fait, on n'était pas en train de suivre les questions, on suivait une autre conversation. On dirait que là, ça me perturbe parce que c'est de nouveau la question qui fait la médiation entre toi et moi. Excuse-moi alors, on va prendre le temps. Je pense que je suis pas capable de répondre à ta question en fait, pour ce texte-là. C'est un texte dans lequel tu t'es pas reconnue. Je me suis pas reconnue. Tu poses à toi des problèmes sur lesquels que toi tu veux travailler puis que tu rencontres en ce moment par rapport à la recherche. Oui, il posait des questions. Il y a des enjeux que j'aborde moi-même avec moi-même dans ma tête, tu sais, reliés à la flexibilité puis de l'incarnation. Mm-hmm. Fait que, et puis du messiness, puis genre qu'est-ce que tu fais avec comme le messiness de la vie. Mm-hmm. Quand t'as notamment des comptes à rendre, tu sais. Mais Mais c'est tout. C'est genre, c'est plus au niveau discursif qu'il y a des similarités, mais au niveau de comme... les problèmes réels qu'ils ont rencontrés, qui ont fait émerger ces réflexions-là, je n'aurais jamais été dans cette situation. Mais je n'aurais jamais. Je pense pas que je serais dans cette situation-là. C'est là où vous avez des orientations différentes. J'imagine que oui. Mais c'est parce qu'encore une fois, je ne connais pas ces personnes. Et tu sais, je veux dire, c'est pas la même chose d'aller en Équateur si t'es équatorienne, mais que tu connais rien de l'Équateur. Tu sais, je veux dire, mm-hmm. Moi, si je vais en Algérie, au Maroc, j'ai envie de la friction et puis je comprends rien. Tu sais, c'est peut-être aussi. C'est juste que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui te distingue. Mais c'est parce que toi, tu fais ta recherche à partir de toi. C'est parce que j'agis pas comme un chercheur conventionnel. Exact. Enfin, je me demandais, est-ce que ce texte-là t'a permis de voir, ok, mais on part de pratiques différentes, ce qui fait que concrètement, là, nos questions sont pas les mêmes, ces problèmes-là sont pas les mêmes. Tu sais, qu'est-ce qui fait que pendant ton doctorat, mettons, tu te serais jamais rendu dans les mêmes situations qu'eux? Qu'est-ce que t'as pris comme chemin? Qu'est-ce que t'as fait comme choix? Ah, mais ça c'est la deuxième question. C'est comment les temporalités de la vie et les corporalités d'un vécu peuvent-elles informer, voire transformer? Ça parle de... Ben, c'est parce que... C'est genre moi, là, cette chose humaine avec comme un corps, mais aussi une vie intérieure dont j'ai du mal. Parce que je veux... Encore une fois, c'est un problème de mots, là, t'sais, dans le champ des critiques des incapacités, il y a eu ce moment où on s'est mis à parler plus de body-mind et de... aussi able bodiness and, avec able mindness parce que les théoriciens se sont rendus compte que parler juste de corps dans la volonté de dépasser le dualisme corps-esprit ben on comment est-ce qu'on faisait pour parler des affects ben de comment est-ce les affects ça reste un relié au corps ça le truc mais comment est-ce qu'on fait pour parler aussi de ces choses qui est que on n'est pas juste de ces choses qu'on ne peut pas traduire par le corps ou ces choses qui ne sont pas médiées tout le temps par le corps. Oui, je reste un corps, tu sais. Mais aussi. Fait que mon incarnation dans le monde, mais aussi genre. Mon positionnement, ma situation, mon orientation temporelle. Tu sais, ça, Ahmed, là, elle prend pour parler de sa phénoménologie puis d'orientation. Et elle prend le philosophe of soul qui était à son bureau, puis à son bureau prêt à travailler, bureau propre, bien rangé, puis elle se demande, mais qu'est-ce qui lui a permis? Parce qu'il prend le bureau comme un objet pour sa phénoménologie, genre, ah, je vois le bureau, j'écris sur le bureau, tu sais, des trucs, en tout cas. Tu sais, un truc de... Il se met à théoriser à partir de lui, mais il réalise pas que son orientation... Et l'objet, les objets qu'on a devant nous, et comment on entre en contact. Dans le sens où il est orienté, mais... Mais il est orienté. C'est-à-dire que lui, s'il peut voir la table propre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a nettoyée. Puis cette table-là, là, pour la personne qui nettoie, là, c'est pas du tout la même orientation, c'est pas du tout la même orientation face à l'objet. Puis c'est pas parce qu'elle, elle se met pas... C'est pas parce qu'elle, la personne qui nettoie, elle est pas capable de philosopher, là. Mais parce qu'il y a des orientations qui font que... La table, tu la nettoies et that's it. Ça te met pas être ton objet de réflexion pour développer ta théorie. Donc, c'est sûr que l'orientation, c'est un des points majeurs, tu sais. Je veux dire, toutes les tables conceptuelles et infrastructurelles et matérielles et métaphoriques et imaginaires, genre de... Toutes ces instances-là, les formes qu'elles peuvent prendre dans l'université, ben... C'est sûr que mon orientation face à ces multiples choses-là, ces multiples objets, ils sont tout autrement, là. Ça passe de comment tu rentres dans une salle à... Mais à partir de France au Québec... Oui, toutes. C'est la petite histoire. Et oui, comme... Blablabla, qui c'est qui dit ça? Oui, je me désire, on s'en fout de ça. Oui, je suis orientée. Faut qu'on continue. Tu veux-tu me poser des questions? Non. Fuck. Ça va-tu? Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Rien, t'as coupé sec, fait que je suis un peu perdue. Est-ce que tu penses qu'on a répondu à la première question? Non, parce que je voulais parler de c'est quoi qui se passe en ce moment. C'est ça, je pense que c'est ça. Je comprends pas. Mais tu sais, la forme en ce moment que prend mon examen, qui est en fait la réponse autre, c'est le « oui, mais ». C'est là où c'est pas un refus, en fait. C'est aussi ce que dit Rosé Esteban Menon, c'est comme « ok, mais c'est quoi qu'il dit ?» L'anticipation éliminatoire de l'utopie, qui est là. Tu sais, les potentialités, c'est là. Et c'est là où là, j'ai parlé de Butler puis de Barney Doreen. Parce que, tu sais, Butler, elle parle beaucoup de la vulnérabilité. Et que de la vulnérabilité en tant que cette chose avec laquelle on doit négocier, laquelle on doit dealer pour rester en vie, pour être pérenne, pour persister. Puis, comment est-ce que la vulnérabilité, c'est aussi relié à la possibilité d'être blessé, la blessabilité, donc l'injurabilité. Et comment est-ce que la vulnérabilité, c'est aussi c'est le lieu où on peut avoir mal, le lieu où où l'autre peut nous faire mal, mais c'est aussi le lieu où on peut nous tuer, t'es, carrément. Mais c'est aussi le lieu où il y a la rencontre, tu sais, où l'interdépendance se déploie, tu sais. Je veux dire, on est un réseau déjà connecté, mais c'est seulement par là, tu sais, qu'il est possible d'entrer en relation. D'autant plus quand la vulnérabilité est distribuée, tu sais, est distribuée au niveau infrastructurel aussi. Et c'est là, c'est ça qui se passe en ce moment, t'sais. C'est ma vulnérabilité qui est en jeu. Ma précarité, c'est ok, mais si je fais pas mon examen synthèse, poup, genre je suis plus reconnue, moi là, tu sais, y a plus. Mais j'ai des potentialités de reconnaissance, c'est sûr. Fait que j'y vais là. Et je pense que cette forme de conversation avec toi, c'est aussi pour enact, hein, les conversations qu'il n'y a pas eu, qu'il aurait pu avoir, dont j'en ai vu les prémices. C'est aussi pour une forme où je suis obligée de reconnaître mon interdépendance. Tu sais, genre, quand l'institution ne m'accompagne plus, qui c'est qui m'accompagne? Qui c'est qui fait du travail gratuit? Puis là, il y a ma propre responsabilité qui tombe en jeu de comme, qu'est-ce que je fais avec ma honte? Qu'est-ce que je fais avec le fait qu'on est dans une relation. Encore un autre type de relation de vulnérabilité. Tu m'aides, mais tu sais, je veux dire, t'es pas payé. Ou je te pique de l'argent comme parfois je fais parce que je suis honteux, mais j'ai pas un cadre, tu sais, y a pas de contrat. Bref. Mais tu sais, c'est ça là, l'utopie, l'espoir de Menon. C'est comme. Et c'est pour ça aussi. Bref, c'est pour ça aussi que donc la forme là que je fais, c'est une conversation parce que tu sais, c'est ça qui m'aurait beaucoup plus aidé. C'est une conversation où genre je rapporte, tu sais, j'aurais pu me préparer beaucoup mieux à ça. Et je pense que j'aurais beaucoup mieux aimé me préparer à comme une conversation par exemple, où on va discuter, à plutôt une épreuve encore une fois, où il faut que je prouve une millième et une énième million de fois la valeur que j'ai, puis la valeur de mon travail, puis la capacité que j'ai, la capacité de faire, la capacité de me déployer. Je vais voir vite fait. Parce que je la comprends ma trajectoire, je veux dire. C'est sûr qu'être reconnue, parce que je suis reconnue dans l'université, puis doctorant, c'est un autre statut que la maîtrise, je le sens, je le vis. Ben, y a des choses que je peux aussi pousser, y a des choses que je pouvais pas pousser avant, puis je comprends que les futurités creep, on peut les performer maintenant, c'est ce qu'on fait. Puis c'est ça, t'sais, c'est une conversation, ça m'aurait beaucoup plus aidé finalement, effectivement, pour continuer vers un forum doctoral, par exemple. Mm-hmm. Pour synthétiser aussi. Oui, pour synthétiser. Puis tu sais, synthétiser, je suis comme. Qu'est-ce que t'as gardé, qu'est-ce que t'as retenu, qu'est-ce qui s'est changé, oui. Qu'est-ce qui s'est transformé, puis. Puis synthétiser. Puis ça t'est rendu où en ce moment, puis qu'est-ce que c'est ça. Parce que Oui. Sans avoir, mettons, cette règle de ne pas pouvoir changer ta bibliographie, tu sais. Ouais, en tout cas, il y avait des millions. Ça aurait été fun d'ajouter Documacy, ça aurait été fun d'aller Malad School. C'est pour ça que je trouve ça compliqué de devoir. Puis je comprends qu'il y a un apport, il y a un enjeu de la reconstitution rapportée. Mm-hmm. Mais même si personnellement j'aimerais plus voir ça comme. Qu'est-ce que c'est si on voyait ça comme partagé, tu sais? Mm-hmm. Ça change le paradigme. Il faut évaluer. T'es-tu en train de partir genre à Chibiamo ou c'est sur la bonne voie, c'est un peu pour comme faire un check-in. Tant qu'à ça, il va avoir cette idée d'examen, avec des règles et des exigences, puis là, ça marque un parcours pour passer à une autre étape. Tu sais, c'est comme, c'est dommage, en fait. Ouais, mais c'est que maintenant que je me rends compte. C'est ça qui est drôle. Ouais. Tu sais, parce que j'ai essayé, là, j'étais comme, oui, d'accord. On dirait que cette dernière année, j'ai joué avec les règles. J'étais comme, oui, j'accepte. Puis là, je suis comme, ah non, en fait, je suis plus, non, ça me tente pas. Tu sais, genre, rendu maintenant au moment où je dois rédiger et rapporter, j'ai des nouvelles questions qui m'intéressent, qui sont plus, mais qui ont émergé de cette synthétisation drôle. Ah. Puis, tu sais, un peu aussi pour en revenir tantôt à la valeur accordée à ce travail-là qui ne circule pas en dehors que notre, que mon examen de synthèse. Mais c'est aussi, tu sais, il y a plein de dates limites qui s'en viennent en ce moment pour publier dans des revues. Si je veux exister, il faut que je publie dans des revues. C'est pas l'examen de synthèse qui me fait exister, là. De mon parcours, de. Tu sais, ça arrive quand, mais c'est parce que c'est comme si ces moments-là devaient juste être dans l'informel. Tu sais, il faut aller faire. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de trucs de genre behind closed door. Mais un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est aussi. Tu sais, il y a encore cette division du savoir, du genre. Il y a l'autorité qui détient le savoir, puis il y a moi qui ne détient pas le savoir. Fait que pourquoi est-ce que je serais à la table de négociation? J'ai pas de savoir, moi. Mais en réalité, tu sais, je veux dire, l'expertise, là, de où est-ce que je veux m'en aller, l'orientation et tout, c'est moi qui l'ai. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est étrange de me faire poser des... J'aime me faire poser des questions. Mais je trouve ça étrange aussi de me faire poser des questions. Mais en même temps, on m'a demandé un énoncé de synthèse, tu sais, mais... Mais oui, c'est juste que... En tant que c'est des réactions, c'est pas une discussion. Non. C'est des réactions oui, ça, à cause de la forme. Mm. Envoie-nous un texte de 30 pages, où on te formule des questions, écris un texte de... Je veux dire, c'est comme si on s'écrivait des lettres en 17 ans. C'est long, c'est une longue temporalité. Ouais. T'sais, combien de temps t'as à penser à... C'est vrai, genre, est-ce qu'on écrit plus de lettres? C'est plus comme ça, on dirait qu'on... Au niveau littéraire. Non, puis c'est même pas travailler comme la carte postale, tu sais. Mettons qu'il me voit, qui parle, qui travaille, genre on s'envoie des trucs par... Mais c'est là où Barney Darin, puis j'imagine plein d'autres gens, et comme tout le monde, tu sais, comme t'sais, le politique là, et la forme du politique, ça se fait dans les infrastructures. Puis je veux dire, c'est ça qu'on fait là, c'est comme, regarde, il y a une infrastructure administrative qui est en train de faire des choses, qui est en train d'exclure certaines personnes, qui est en train de donner de la valeur à d'autres, qui est en train de reconnaître des gens, et reconnaître des gens, c'est, ça vient avec beaucoup de choses, des temporalités, des histoires, des espaces, blablabla. Et donc c'est ça, parce que c'est l'infrastructure administrative là qui fait ça, là, et administrativité. Puis tu vois, il y a un truc, c'est que mon texte, il faut que je l'envoie à mon directeur de recherche. Et je pense en CC, genre machin truc de l'administration. Je suis comme, il va falloir que j'envoie un point doc pour que comme ça passe l'administration. Mais ça va être du son. Mais il va y avoir un point doc. Ça me fait penser quand j'ai dû archiver le mémoire sur toi aussi, j'imagine, sur Papyrus. Puis il fallait entre autres que je mette un site ou un jeu vidéo que tu peux télécharger au pire. Mm-hmm. Fait que c'était soit l'un soit l'autre, mais je pouvais rien faire. Fait que j'ai dû créer une page doc dans laquelle je mets un lien. Lien qui n'est plus valide aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'étais comme, quand je l'ai fait, je me suis dit, ah, tu sais, éphémérité des hyperliens. Fait que, voilà. Fait que c'est ça qui est ça. It is what it is. This is the way. Non. Mais j'ai vraiment pas cité. Ah oui, puis tu sais, connaissance incarnée, genre Jean-Louis Claude Paquin, bim, dans mon corps. Moi j'ai l'expertise. Pourquoi je suis pas à la table des négociations? Qui d'autre? Anticipation, je l'ai dit. Ahmed, je l'ai dit. Recherche subjectif imparfait. Les formes de l'engagement, les formes de la subjectivité. Regarde, ma subjectivité s'énonce en ce moment et... Et une des manières que prend la forme de mon engagement. Du manifeste, pour l'écrire autrement, une manifestation plurielle. Voilà. Ouais, je pense que j'ai besoin d'une pause. Ah oui, c'est quand même... C'est normal, c'est fâchant. C'est, mais c'est toujours... C'est pour ça que aussi que... Peut-être que je suis correcte, mais... Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est, on fait quoi avec, avec ces moments-là, de ces déceptions, tu sais, faut les gérer. Fait que... Quoi? Non, non, j'étais comme... Tu vois des étoiles. Ouais, mais pardon. Est-ce que tu, sur quoi tu finissais, là? Ouais. Ça me fait beaucoup penser à la philosophe prof de philo, Amandine Catala, qui va parler de l'injustice épistémique que toi, t'es en train de vivre en ce moment. Mm-hmm. Et qui détient l'autorité épistémique? Exactement, puis qui a la véritable autorité épistémique, c'est toi. Surtout qu'on s'entend, là, c'est une question, mais genre, oui, la recherche part de toi, puis oui, c'est légitime, puis oui, ça veut dire beaucoup de choses, prends racine. Mais moi, là, les affaires de racine, je suis pas sûre, là, mais anyways. Mais il y a moyen de faire des jeux de mots avec de revenir à radical, parce que radical, c'est une racine, bébé. Ça me fait toujours penser à Deleuze, puis ça me fait toujours penser au fait qu'il s'est défenestré, puis ça m'a mis trop loin. Fait j'aime mieux dire à partir de toi. Ok. Fait oui, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est important de... C'est comme si Amandine pouvait, avec cette idée d'injustice épistémique, venir constater l'état dans lequel on est en ce moment. La veille d'une remise, en train d'enregistrer au niveau sonore. Un son vécu. Mais tu sais, ça aussi, c'est toi, ça. Mm-hmm. Dans le sens où un texte de 50 pages bien fait, nos voix, avec nos intonations, puis nos souffles, puis tout ça, signifie quelque chose. Ben oui, certain. Puis on dirait que c'est une manière de reprendre un peu d'autorité, justement, épistémique. Mais oui, c'est certain. Puis de ressignifier, puis de donner un sens cohérent, comparé à ce début de questions, de discussions qui était l'intention. Tu sais, t'envoyais une intention, t'envoies des questions, normalement, il y avait un beau potentiel de discussion, mais, comme on disait. Oui. Mais à un moment donné, ça foire un peu. T'es comme, ok, mais il y a comme... Mais la potentialité, elle est toujours là. Oui, c'est ça qui est intéressant. Là. Mais tu sais, c'est aussi que... Il a fallu qu'on est rendu ici, là. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai la marge de manœuvre de le faire. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, en soi, il y a des personnes avec qui j'aurais pas la marge de manœuvre de formuler ce que je fais en ce moment. Fait que, par rapport à ton jury, ou... Oui. Okay. Tu sais, c'était dans le sens où je pense que je m'autorise à le faire. Il y a des gens avec qui je me serais pas autorisée à le faire, en fait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, il y a quand même... Il faut pas... Il y a ça aussi. Il y a le fait que je pense... Voilà. Que... oui. Parce que c'est intéressant parce que, dans le fond, tu sais, on est en train de souligner cette incohérence entre ton projet intellectuel et les formes indues, tu sais. Mais tu sais, c'est... Je me rends de plus en plus compte à quel point c'est l'institution universitaire que j'interroge, en fait, beaucoup... Pas que, mais que j'interroge beaucoup avec mon doctorat, de ce rapport... au savoir et de qui accède ou non, je veux dire, comme beaucoup de gens, mais c'est juste qu'en ce moment, effectivement, il y a un besoin de le théoriser pour toute cette grande... Oui, pour moi, oui. Parce mais aussi de... Tu sais, à la maîtrise, moi aussi, j'ai fini par être là, tu sais. Je voulais parler d'un sujet quelconque, puis finalement, je me retourne vers la structure dans laquelle je suis, puis j'ai l'impression que c'est parce que c'est trop restreint, ça fonctionne pas. Tu sais, il y a des formes, moi, c'est là où j'ai trouvé comme mon problème, c'est les formes obligatoires ou les formes qui sont induites par l'université, qui faisait que je fonctionnais nulle part, ça marchait nulle part. Fait qu'il a fallu que je me tourne vers les structures universitaires pour faire comme, mais voyons, j'essaie de faire un projet, ça ne fonctionne pas, comment ça? C'est les formes, puis moi c'est au niveau formel que c'est comme, mais c'est là où vous me bloquez. C'est au niveau formel que vous me bloquez pour que je puisse émanciper mon projet intellectuel. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est au niveau formel? J'ai beaucoup pensé la forme d'une mémoire de maîtrise, par exemple. J'ai voulu aller jouer avec, parce que je sais que si mon mémoire est sur fond bleu, ça change quelque chose. Au lieu de faire tout ce que tout le monde fait avec la même typo, la même nanana, je sais que ça vient changer le contenu. Oui, puis les formes... Puis l'affaire, c'est ce que je me suis rendu compte à Londres, c'est que j'essayais fort de juste travailler sur mon sujet, puis explorer, puis pousser des limites, mais ça fonctionnait jamais. Comme, tu sais, j'ai tellement eu de projets de maîtrise. Puis à un moment donné, je me suis juste rendu compte, ok, mais il y a quelque chose au niveau de l'infrastructure de l'institution universitaire qui m'empêche de faire ce que je veux faire. C'est quoi? Fait qu'il faut absolument qu'on se retourne vers l'université puis faire comme, mais voyons, ouais, puis qu'on la poche. Qu'est-ce qui fonctionne pas là? Où est-ce que moi je bloque dans votre structure? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis moi, c'était vraiment par des... C'est difficile à trouver, mais pour moi, le gros problème, c'est la forme. Tandis que moi, c'est pour ça que je trouve que moi, mes réponses, et ma réponse, c'est plus, souvent face au futur et compagnie, c'est plus oui, virgule, mais. Dans le sens où, parfois, je m'en amuse de ces formes. Mais toi aussi, mais t'es, oui. Oui, parce qu'il faut qu'on arrive, puis il faut qu'on... Parce que, tu sais, on va se retourner vers l'université. On va se demander, ben voyons, qu'est-ce qui marche pas? Comment ça, moi, je suis pas capable de faire ce que je veux dans cette structure-là? On se retourne vers la structure, on l'analyse un peu, on finit par trouver des formes qui nous empêchent, des obstacles quelconques. Puis après ça, on se dit, ben on fait quoi avec ça? Moi, souvent, c'est comment je peux les détourner? Comment je peux arriver à mes fins? Oui. Pareil. Mais ça prend des coalitions, tu sais. Ça prend des coalitions au-delà. Ça prend des alliés, des complices. Ça se fait pas tout seul. C'est là où aussi. C'est là où on choisit nos directeurs de lecture. C'est là où on exact. Choisit nos jurys, nos bibliographies. Exact. Puis, par exemple, moi, ma recherche, elle a changé radicalement quand c'est. À un moment donné, j'ai plus la même direction, c'est une autre personne, avec un monde vécu, avec d'autres réalités. Ça a tout changé. Où je fais comme, ok, ben là, je peux plus essayer de me battre avec cette personne-là. Parce que cette personne-là n'est pas faite pour se battre contre l'institution. Ça suffit. C'est intéressant. Mais la personne avant, par contre, était faite c'était pour ça mon projet. Parce que c'était mon allié par rapport à ça. Ça m'a viré. Finalement, j'étais quelqu'un d'autre. Fait que, dans le fond. Puis là, je me réoriente finalement. Mais oui, ta direction de recherche est un des facteurs qui informe et transforme les parcours, les intentions et les formes de la recherche, notamment, mais parmi 8 millions de choses. Et on magasine. Ben oui. On magasine. Mais oui, il faut. Des directeurs directrices. On fantasme sur des directeurs directrices quelconques qui souvent sont inatteignables. Puis. T'sais, ça serait quoi, genre, le directeur parfait, genre, pour une recherche, normalement? T'sais, le théoricien qu'on a toujours cette. On a des idéaux de direction, ou de chercheur, ou de whatever, genre. Ben, tu sais, je veux dire, être dirigé, mettons ton doctorat est dirigé par Judith Butler ou Coin-Coin, là, tu sais. Je veux dire, il y a une différence. Puis il y a des personnes en particulier, des genre stars théoriques. Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Où on se dit, ah, j'aimerais tellement ça, tu sais. Oui, puis c'est là, mais c'est aussi, et là ça devient aussi un. Il y a aussi un jeu là, social qui se passe, le capital social qui se passe. Je veux dire, c'est bien mieux d'avoir Michel Foucault. C'est bien mieux d'avoir. C'est vrai qu'il est un squelette, là. C'est bien mieux d'avoir Michel Foucault sur son CV comme directeur de recherche que genre Régent. Régent Tibi. Oui, mais c'est ça, tu sais, c'est ça. Puis c'est là où on. Pour vient qui est reconnu et qui n'est pas reconnu, tu sais. Mais oui, puis c'est pas. C'est l'université. Everything. Mais oui, tout est politique. Bingo! Tu sais, quand on se demande, ben, quand ça parle du chercheur, ben, quelle université qui t'es capable de te payer, genre? Ça dépend quel pays? Oui, puis je veux dire, moi, tu sais, je suis tellement terrifiée des gens, puis j'ai tellement peur des gens que, tu sais, c'est pas n'importe qui peut m'aider, me superviser, tu sais. Parce que sinon, oh mon Dieu, ça serait terrible, genre. Puis tu sais, c'est déjà là, même avant que tu commences ton doctorat, t'étais déjà. Mais oui, mais même avant que je sois née. Avant que je sois née, les forces déterminantes.